a déjà dit sur les ondes de la VRT qu'elle était d'accord avec ces mesures. Les explications de Yasmina Favaro. Le budget fédéral, eh bien, ce sera pour après les grandes vacances. Le gouvernement reporte l'exercice 2017. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec le Brexit et les incertitudes qui règnent en ce moment sur les marchés, ce n'est pas le bon moment pour parler chiffres. Les ministres voudraient aussi que ce budget s'accompagne de nouvelles réformes. Pour l'an prochain, le gouvernement fédéral doit trouver 8 milliards d'euros s'il veut maintenir son budget en équilibre. Le premier sommet de l'histoire de l'Union européenne à 27 ce matin. 27 sans le Royaume-Uni. Donc, les dirigeants européens vont réfléchir à l'avenir de l'Union après ce Brexit. Hier soir, ils ont rappelé au Premier ministre britannique David Cameron que son pays avait voulu quitter l'Union européenne, qu'il voulait le divorce. Eh bien, il faut à présent s'en aller et le plus vite sera le mieux. Les Écossais, eux, ont voté massivement pour rester dans l'Union européenne. La première ministre écossaise sera à Bruxelles aujourd'hui. Elle rencontrera le président du Parlement européen et les représentants des principaux partis politiques. L'Écosse qui vient chercher du soutien donc pour rester au sein de l'Union. Et puis dans l'actualité de ce matin, un mot également de sport avec les deux rescapés belges de Wimbledon qui jouent leur deuxième tour aujourd'hui. Et oui, chez les messieurs. Il faut rester collé, il faut le temps que je tourne la page. Voilà, chez les messieurs, David Goffin affronte le français Édouard Roger Vasselin, 186e joueur mondial. Sur papier, tout devrait bien se passer donc pour le belge, sauf que le français est un excellent joueur sur gazon. David Goffin le sait bien, il le connaît. On se connaît pas mal, j'ai déjà joué il y a longtemps, mais en tout cas il joue très bien sur gazon, il a déjà très bien joué ici, je crois, je me rappelle. Il a joué très offensif, avec le double en plus il a amélioré je crois ses services à voler, son retour, donc c'est vraiment un match pièce sur gazon, mais je me sens bien et on verra bien au prochain tour, mais voilà, je m'attends à un match difficile. David Goffin plutôt méfiant donc au micro de Christine Anquet, notre envoyée spéciale à Londres. Un match compliqué aussi au programme pour Kirsten Flipkens. La joueuse défiera aujourd'hui la 9e joueuse mondiale, l'américaine Madison Keys. Et puis en football, Michy Batshuayi profite de l'Euro pour taper dans l'œil des grands clubs européens. Ce matin, La Dernière Heure et le journal français L'Équipe annoncent son arrivée à Chelsea, où jouent déjà Thibaut Courtois et Eden Hazard. Ce transfert pourrait être officialisé aujourd'hui. Batshuayi sera en tout cas en conférence de presse ce matin pour les Diables Rouges, des Diables qui s'entraîneront à huis clos sans Eden Hazard, puisque le capitaine est au repos jusque demain pour soigner une contracture. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, ça bouchonne pas mal ce matin vers la capitale. Effectivement, c'est surtout sur l'E40 qui vient de Liège où les ralentissements commencent à Berthem jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne et en Trévert et Rayères, c'est bien la circulation est pratiquement à l'arrêt et les automobilistes perdent une demi-heure sans doute à cause du sommet européen qui est encore organisé aujourd'hui dans le quartier Schuman qui est d'ailleurs fermé à la circulation, faut-il le rappeler. Les bus sont même déviés dans le secteur. Le métro ne s'arrête pas à Schuman mais passe quand même par là. Par contre, la gare Bruxelles-Luxembourg reste accessible. Un accident dont les débris sont répandus sur la chaussée. Il s'est produit sur l'A12 Bruxelles-Anvers à hauteur de Strombeek-Bever. Il obstrue les voies de gauche et centrale en direction d'Anvers. Bonne nouvelle, le dépannage est en cours. Sur le ring de la capitale, on perd du temps en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard. 15 minutes supplémentaires. C'est surtout pour la circulation intérieure que c'est assez compliqué. Surtout entre Ytre et Grand-Bigard à cause du chantier à Forêt. Une demi-heure supplémentaire sur ce tronçon et 15 minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis toujours ce camion qui pose des problèmes. Il était en feu très tôt ce matin. L'incendie est évidemment éteint actuellement, mais ça crée toujours des soucis. Il est toujours à Marquin. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Nous sommes donc sur l'E403 qui relie Bruges à Tournai. Il y a des files depuis Templeuve sur 2,5 km. Ajoutez là un bon quart d'heure. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on est parti pour 2 heures de débat, c'est vous qui le dites, sur la Une et sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. Cet homme s'appelle Sébastien Pierret, retourne donc à la rédac, l'info revient à 10h. Matin. matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. On se fait un petit sommet européen entre nous avec trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, comme à Zaventem, hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirs se font exploser, 36 morts à la veille de l'été. À la veille de l'été, comment on peut stopper ça ? Hier soir, vers 20h, heure belge, trois kamikazes arrivent donc en taxi à l'aéroport d'Istanbul. Ils commencent à tirer, d'après les témoins, tirent sur tout le monde, les policiers comme les passagers. Un homme, notamment, habillé en noir, sans cagoule, est là. Les policiers en faction répliquent juste avant que le commando n'atteigne les contrôles de sécurité. Ultime réponse des kamikazes, ils se font exploser. Il y a des cris, il y a du sang, il y a des bouts de corps, d'après les premiers témoins qui témoignent ce matin. L'aéroport a vécu l'enfer et les images, évidemment, rappellent celles de Zaventem. Vous noterez au passage que cette année, la Turquie a beaucoup souffert. Deux attentats suicides attribués à Daesh dans le quartier touristique d'Istanbul et deux attentats à la voiture piégée à Ankara, revendiqués par les groupes kurdes. C'est la question pour vous ce matin. Comme à Zaventem, hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirent, se font exploser. 36 morts à la veille de l'été. Comment on peut stopper ça ? Le même reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère ? C'est un reportage de Sud Presse qui démarre donc dans les poubelles à l'arrière d'un supermarché. Nous sommes à Arlon. Aurore, 27 ans, et comme son compagnon, elle est au chômage, 1100 euros à deux. Après le loyer, il ne reste que 200 euros. Alors Aurore fait ses courses dans les poubelles. Fait ses courses dans les poubelles, ce sont ses propres mots. Elle les récupère du pain, du pudding, parfois de la viande. Aurore estime son économie à 400 euros. Et vu tout ce qu'on jette, elle se souvient être tombée un jour sur 60 canettes de Coca-Cola. Le couple assume même faire ses courses dans les poubelles, car il y aurait une part qui évite le gaspillage comme un style de vie, en quelque sorte un geste militant. Non, Aurore n'a pas honte. C'est la question pour vous ce matin. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère ? Et puis au 070-233-466, l'entreprise Nestlé à Anderlecht autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail ? Depuis un mois, Nestlé autorise donc ses employés à venir avec leur chien. Au départ, c'était une expérience pilote menée pendant 3 mois dans la division qui bosse sur l'alimentation chien-chat. Aujourd'hui, la mesure est généralisée à l'ensemble du personnel. Et Nestlé confirme dans Le Soir que les employés au départ étaient plutôt circonspects. Tout le monde serait désormais favorable, mais, l'entreprise a quand même placé des espaces de travail pour ceux qui refusent de travailler à proximité d'un animal, par principe ou par problème d'allergie. Il n'y a qu'un seul ascenseur qui est dog-friendly, les autres sont interdits, et il n'y aurait jusqu'ici eu qu'un seul incident de moquette souillée, mais la moquette, disent les managers, se remplace facilement. L'intérêt de la mesure, c'est le bien-être au travail et le lien social que génère l'animal. Question pour vous ce matin, l'entreprise Nestlé Anderlecht autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail ? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, lancez-vous qu'ils dites. En bref, l'attentat d'Istanbul, une Arlonaise qui se nourrit dans les poubelles des grandes surfaces et les animaux de compagnie autorisés sur le lieu de travail. Les deux premiers débatteurs ne sont pas venus accompagnés de leur toutou, mais ils sont prêts à enflammer le débat. Il s'agit de Laurence Piret, journaliste La Meuse Liège, et Martial Dumont, journaliste politique à l'avenir. Martial et Laurence, bonjour. Bonjour à tous. Premier débat sur la table, cet attentat donc à l'aéroport international d'Istanbul. Comme à Zaventem, hier, trois kamikazes arrivent en taxi, commencent à tirer et puis ils se font exploser. Avant de parler du moment, Martial, puisque nous sommes à la veille de l'été, avant Laurence de nous dire comment on peut stopper ça, je voudrais vous entendre sur cette similitude. Est-ce qu'elle vous a donné froid dans le dos, Martial, ce matin ? C'est comme à Zaventem, pratiquement. Oui, c'est le même modus operandi, donc on peut raisonnablement se dire que ce sont les mêmes commanditaires, et donc malheureusement la série noire continue, et effectivement si on n'agit pas sur le terrain, ça risque de continuer pendant un petit bout de temps. Trois kamikazes dans un aéroport, Laurence, à la veille de l'été, ça peut être un hasard ou c'est un moment qui est senti pour donner un signal ? Non, ce n'est pas du tout un hasard, effectivement, on est fin juin, la plupart des Européens garde la Turquie comme un lieu de vacances privilégié. Alors évidemment, c'est pas forcément Istanbul, bien que ce soit une destination courue pour les city trips. On est plutôt l'été sur Bodrum, Antalya, etc. Donc, qui sont quand même des destinations à 500-600 km d'Istanbul. Maintenant, l'objectif, je pense que c'est de donner une mauvaise image du pays, comme ça a été le cas pour l'Égypte avec des attaques et etc. Je pense que voilà, comme pour la Tunisie également, l'objectif c'est de discréditer le tourisme dans tout le pays, de semer la terreur, et force est de constater qu'ils y arrivent avec 36 morts dans un aéroport comme à Bruxelles. Effectivement, on ne peut qu'avoir peur finalement. Il faut à tout prix éviter maintenant, Martial, cette Turquie. Donc l'année a été très noire en Turquie avec des commanditaires différents. Soit c'était les groupes kurdes avec des voitures piégées notamment à Ankara, soit c'était Daesh avec deux attentats suicides à Istanbul. Ce pays est officiellement à éviter depuis hier soir 20h. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire, et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, qu'il ne faut certainement pas céder au terrorisme et qu'il faut pouvoir continuer à vivre normalement, à aller en vacances normalement. Mais dans le cas de la Turquie, je veux dire, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même eu 10 attentats cette année. Mmh. Et donc, c'est un pays qui est particulièrement à risque. Et comme le dit Laurence, c'est certainement pas une coïncidence si la Turquie et l'aéroport a été visé ici juste à la veille des vacances. Votre sensation, est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même package? On a vu début de semaine la Tunisie avec cette opération et ce message à la Belgique. Revenez, revenez. Il y a eu toute une série de reportages dans les journaux parce que la Tunisie veut récupérer des touristes, mais les tours opérateurs n'y retournent toujours pas. On voit cette semaine que certains tour opérateurs belges retournent à Sharm el-Sheikh. Est-ce qu'on peut mettre, Laurence, tous ces pays dans le même package? Si on ne va plus en Turquie, on ne va plus en Tunisie, on ne va plus en Égypte, et tout ça, c'est la même zone à la grosse louche? Non, pour moi, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a eu un attentat sur un lieu qu'il ne faut plus y aller. Je veux dire, une destination hyper touristique comme Bali a aussi subi des attentats. Mmh. Il a fallu le temps que le tourisme s'y redresse. Et au final, on ne peut pas discréditer tout un pays parce que, justement, une poignée de terroristes a décidé d'en faire une cible et de viser les touristes et les étrangers qui viennent. Maintenant, je pense aussi que c'est aux autorités locales à rassurer la population, mais aussi les étrangers qui viennent y passer du bon temps. Je fais la question alors autrement. Est-ce que cet attentat à Istanbul à l'aéroport, est-ce que ça veut dire, Martial, que c'est pas bon pour la Tunisie? C'est pas bon pour l'Égypte parce que par ricochet, ils en seront victimes aussi? Je pense malheureusement que immanquablement, il y a une image de toute la région qui est évidemment discréditée de manière globale, les gens qui veulent aller en Turquie, en Égypte ou en Tunisie risquent effectivement de faire des amalgames et de se dire c'est toute la région finalement du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient qui est aujourd'hui dangereuse, et fatalement ça aura des répercussions économique et touristique, pardon, immanquable, ça c'est sûr. On va demander un avis à EY. Robert est en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Robert, comme à Zaventem hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirs se font exploser, 36 morts. À la veille de l'été, je vous pose cette question. Comment on peut stopper ça? Comment on peut stopper ça, Robert? Je vous en prie. Humblement, ayant servi dans deux escadrilles de chasseurs-bombardiers sur les Mirages, nous étions toujours en opération et toujours prêt à décoller en ayant la minute. Maintenant, ce que je pense, Klein Brogel repart avec 6 YF-16 pour... 9F-16 sont partis vers l'Irak et la Syrie. Il est nécessaire, dites, de deux mots, choisissons le moindre. Malheureusement, que voulez-vous faire d'autre? On ne va pas se laisser envahir comme ça. Robert, je n'ai pas compris. Vous demandez donc une coalition internationale qui va bombarder, mais qui? Ah ben, écoutez, les Jaïns, il faut bombarder les nids. À l'heure actuelle, avec tous les services de renseignement que nous connaissons, il y a moyen de les tuer comme des rats. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais vous constatez que dans les différents attentats, il y a une série de gens aussi qui n'étaient pas en Syrie ou qui n'y sont même pas passés. Il y a une série d'ennemis qui viennent parfois de l'intérieur. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est encore un autre problème parce que il ne faut pas tuer des innocents. Ça, je suis d'accord avec vous. Et actuellement, la situation est telle qu'on parvient à neutraliser tous ces gens qui essayent de faire des attentats chez nous. Robert, ces images hier, ça vous a rappelé Zaventem? Oui, évidemment, certes. Mais oui. À la veille de l'été, quel est le signal? Qu'est-ce que vous retenez à la veille de l'été? Eh bien, il le faut exprès pour détruire le tourisme, notamment Turquie, Tunisie, etc. Et la Syrie et l'Irak, c'est très bien que nos essais de Kleine-Bruegel partent en mission et ils vont être en même temps suivis par des Anglais, des Américains, des, j'espère, Allemagne et... Hollande. Ouais, il y a une demi-douzaine de nos chasseurs qui sont donc partis d'abord en Jordanie se stationner, puis qui sont censés bombarder des cibles en Irak et en Syrie, effectivement. On termine autour de la table, puis on voit si la conversation s'impose en deuxième heure. Est-ce que ça veut dire, Martial, c'est la prédiction sur l'été, que cet été va être très chaud, très compliqué en matière de tourisme et d'attentats? Est-ce que ça, c'est le début de l'été ou pas? Franchement, on peut. Le problème avec ces attentats, c'est qu'on ne peut strictement. On peut pas le dire, mais est-ce qu'on peut le craindre? Rien prédire. Ben, on peut éventuellement le craindre. Oui, c'est sûr. À partir du moment où on voit qu'à la veille des vacances, il y a des gens qui sont encore capables de faire ça dans des régions qui sont pourtant fort surveillées aussi. Faut pas l'oublier. Ben, ça peut arriver un peu partout et n'importe quand. Raison pour laquelle il faut effectivement. Maintenant, agir et tenter d'aller détruire Daesh sur son propre terrain. C'est une sensation personnelle, Laurence, mais vous craignez pour l'été, vous craignez pour ce mois de juillet, vous craignez pour ce mois d'août? Mais je pense que justement, il ne faut pas vivre dans la crainte. Oui, ça peut se passer n'importe quand. Le 22 mars n'est pas une journée particulièrement touristique. Le 11 septembre n'était pas particulièrement une journée touristique. Il faut se dire aujourd'hui, voilà, ça fait partie de notre quotidien, c'est dramatique. Et c'est d'autant plus important alors que la coalition fasse ses frappes. On voit que Daesh recule en Syrie. Il faut continuer. Il faut réussir à justement détruire l'État islamique là où il se trouve. On voit que la Turquie a agit beaucoup justement par rapport à l'État islamique, aux passeurs, etc. Et c'est pour ça qu'elle est visée, oui. Elle a arrêté d'ailleurs un Belge dernièrement qui était complice d'Amani et de toute la bande impliquée à Bruxelles et ailleurs, à Paris notamment. Comme à Zaventem, hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirent, se font exploser. 36 morts à la veille de l'été. On attend de vous un commentaire et puis une réponse à la question. Comment on peut stopper ça? Dans un instant, deuxième débat sur la table. À Arlon, Aurore et son compagnon se nourrissent en faisant les courses dans les poubelles. Ensuite, l'entreprise Nestlé Anderlecht qui autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Et puis à 10h45, la question qui dérange. Jacqueline Gallian, Elio Di Rupo, Carlo Antonio, Eric Dombes veulent que le Thalys et l'Eurostar s'arrêtent à Mafle. Pas à la gare d'Ath, non, dans le petit village d'à côté. Un TGV qui s'arrêterait à Mafle. Pourquoi? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Vivacité présente les 19e Tchaforni. Ces 2 et 3 juillet, troubadours, acrobates et poètes des temps modernes vous invitent au cœur d'Angie pour un voyage onirique et hors du temps à travers les arts de la rue. Entrée 2,50€, gratuit pour les enfants. Info ccangie.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël, vous avez tout pour vous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commande l'actualité avec vous, avec Laurence Pirès, Sud Presse, avec Martial Dumont, L'Avenir. En fonction de vos appels, un débat s'impose. Le reportage, donc, qui met mal à l'aise ce matin dans Sud Presse, ce reportage démarre à l'arrière d'un supermarché à Arlon et on y découvre Aurore. Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère? Est-ce que ça peut être un mode de vie, Martial, d'aller faire ses courses dans les poubelles? Voilà deux chômeurs qui font ce choix et on n'arrive pas à comprendre si c'est un choix par défaut ou un choix vraiment volontaire. Non, un mode de vie, je ne pense pas que ça peut être un mode de vie. Je pense qu'ils sont obligés de faire ça parce qu'effectivement, avec 1100 euros à vivre pour deux, c'est virtuellement impossible. Et donc voilà, ils ont choisi d'aller récupérer l'énorme gaspillage qui existe chez nous. Il faut quand même savoir qu'il y a 1800 tonnes par an qui sont gaspillées. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on continue à gaspiller comme ça, partant du principe que les grands magasins sont aujourd'hui obligés de redistribuer leurs invendus alimentaires. Il y a une loi, un décret wallon qui oblige les magasins à le faire, et visiblement, les grands magasins continuent à gaspiller comme des malades. Ah, le couple retrouve beaucoup de marchandises, beaucoup de nourriture. Est-ce qu'on peut en prendre son parti, Laurence, et se dire, voilà, j'ai des petits moyens, je vais me nourrir de poubelle en poubelle, de ce que je trouve en ce que je trouve. On a du mal dans le reportage à comprendre si cette dame en prend son parti, on a du mal à comprendre si elle le subit, autrement dit. Je pense qu'il y a les deux. D'un côté, il y a effectivement le fait que, effectivement, comme le disait Martial, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts avec 200 euros restants après avoir payé toutes ses charges, etc. Et déjà, c'est très bien de payer ses factures et son loyer. Mais voilà, avec 200 euros, c'est impossible de finir le mois. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est pourquoi est-ce que cette dame ne va pas dans les associations d'aide, justement, Resto du Cœur, les banques alimentaires, etc. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans les poubelles quand on n'a pas de sous? Je pense pas. Mais en même temps, ce qui est choquant, c'est qu'encore aujourd'hui, en juin 2016, eh bien, on retrouve tout ça dans les poubelles, alors qu'effectivement les grandes surfaces sont supposées donner leurs invendus et leurs produits qui sont à la limite de la péremption. Moi, ça me choque effectivement quand on va un samedi soir au Carrefour, s'il n'est pas ouvert le dimanche, eh bien il y a beaucoup de produits qui sont à moins 50% pour aller, on peut faire ses courses moins chères déjà en respectant des dates de péremption. Avec les promos de supermarché, avec le système social qui est le nôtre, avec l'aide à disposition, pourquoi ces gens vont encore dans une poubelle, Martial? Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à la poubelle quand on n'a pas de sous, ou il n'y a pas moyen d'échapper à la poubelle? Oui, je pense qu'au niveau des banques alimentaires, au niveau des Restos du Cœur, etc., il y a moyen de s'en sortir. Maintenant, c'est un choix que cette dame et son compagnon ont fait. D'un autre côté, faire les poubelles et récupérer les invendus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, c'est honteux. C'est pas. Qu'est-ce qui est honteux? De faire les poubelles pour se nourrir, c'est honteux ou non? Non, ce n'est pas honteux. Ce qui est effectivement, comme le dit la dame là-bas, ce qui est effectivement honteux, c'est de gaspiller autant, et que les grands magasins baquent à la poubelle des choses qu'ils pourraient redonner à des associations. Et donc permettre à des gens comme ça d'aller chercher de la nourriture avec plus de dignité quand même, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que sur un plan de l'estime personnelle, aller faire les poubelles, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. C'est honteux de faire les poubelles, Laurence? C'est honteux? Non, c'est pas honteux, effectivement. Comme le dit la dame, ce qui est honteux, c'est de voir tout ce qu'on peut jeter. Moi, j'ai travaillé comme étudiante dans une grande surface. À l'époque, oui, il y avait des gens qui venaient en disant « Ah, est-ce que vous avez des choses périmées ?» On leur donnait, ou quand en fin de journée, effectivement, il y avait des choses périmées, une partie du personnel repartait avec quelques articles. Ça évite quand même de jeter des choses qui sont tout à fait consommables. Aujourd'hui, on se rend compte que les dates de péremption, c'est quand même l'industrie qui nous les impose. Mais un yaourt qui, il y a quelques jours, ne va pas forcément causer la mort de celui qui le mange. Cette dame dit qu'elle fonctionne à l'odeur. S'il y a encore une odeur acceptable, elle mange chez nous, effectivement. Elle se prive de l'aliment qu'elle a récupéré. On va demander un avis à Bain. Chantal en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Donc le reportage qui met mal à l'aise, à Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles, se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. C'est la misère, ça, de faire ça, Chantal? Pour moi, oui, c'est la misère, parce que franchement, que la misère est honteuse aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux là-dedans quand on n'a pas d'argent? Ils ont 1100 euros à deux. Moi je suis sur l'invalidité, je n'ai pas beaucoup non plus, je n'ai que 1000 euros par mois, et je ne vais pas faire les poubelles, je vais au colis alimentaire. Pourquoi alors des gens feraient le choix de poubelles? Comment vous expliquez ça? Pour moi, ce sont des gens que, je ne sais pas, ils sont peut-être au chômage tous les deux, mais bon, arriver à des points pareils, non, parce qu'on peut quand même demander au patron aussi, le soir, d'avoir les invendus. Avec vos difficultés personnelles et financières, vous avez déjà pensé aux poubelles, même si vous ne l'avez jamais fait, j'ai bien compris? Non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, vraiment pas, parce que, bon, ici, ça va faire 4 ans que je vais au collier alimentaire. On est très, très bien que... On reçoit énormément de choses. On a assez pour la semaine. On reçoit nos fruits, on reçoit nos légumes, mais que ce ne sont pas des choses périmées. Chantal, un mot alors sur le comportement de ce couple d'Arlon qui dit « je n'ai pas honte » et qui, dans le fond, a l'air... non pas de dire que c'est un choix voulu, mais n'a pas l'air d'en souffrir outre mesure. C'est du courage, ça, ou c'est de la folie, c'est de l'inconscience, c'est quoi ? C'est de la conscience. C'est de la conscience parce que, bon, je crois que maintenant, que si le directeur sait ça, qu'il fera tout pour qu'il ne puisse plus aller chercher que les vivres. C'est une forme d'inconscience, m'avez-vous dit, c'est de la misère et c'est honteux. Je termine autour de la table. Laurence, est-ce qu'on doit maintenant stopper ces gens ? Est-ce qu'on doit leur interdire l'accès aux poubelles ? Est-ce qu'on doit tout faire pour qu'ils n'y aillent plus ? Non, pas du tout. Moi, ce qui me choque, c'est que, effectivement, comme la dame le dit également dans l'article, certaines grandes surfaces mettent du détergent sur leurs produits périmés pour empêcher des gens de pouvoir les consommer. Ça me choque, oui, que des grandes surfaces donnent des produits. Et comme je l'ai dit, on le sait, les dates de péremption, c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. Et voilà, et on en est dépendant, on se l'impose. Est-ce que, voilà, fonctionner à l'odeur ou au goût, la dame dit, j'ai été malade qu'une seule fois. Ben voilà, c'était déjà une fois de trop. Effectivement, mais ce n'est pas grave. On doit les écarter des poubelles, on doit les empêcher d'accéder, Martial ? Non, absolument pas, parce que le deuxième scandale, c'est justement ça. Le premier, c'est effectivement d'avoir autant de choses qui se retrouvent dans les poubelles et qui sont encore consommables. Donc ça, c'est un vrai scandale de la part des grandes surfaces. Le deuxième scandale, ce sont ces grandes surfaces qui empêchent et qui essayent de mettre dans l'embarras les gens qui font ça pour survivre. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un directeur qui a appelé la police et qui a déposé plainte parce que des gens venaient chercher des invendus dans les poubelles. Ça, c'est un véritable scandale. C'est à vous de vous prononcer. Maintenant, face au reportage qui met mal à l'aise, donc à Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère totale, ça ? Dans un instant, le troisième débat sur la table. L'entreprise Nestlé à Anderlecht permet au personnel de venir avec le chien au bureau. C'est sain, ça ? Et puis 10h45, la question qui dérange. Voilà que Jacqueline Galland, Elio Di Rupo, Carlo Di Antonio et Eric Dombes veulent que les TGV Thalys et Eurostar s'arrêtent, non pas dans une grosse gare du Hainaut, mais dans un bled, à Mafle, petit village à côté de Hatte. Quel est l'intérêt de stopper un TGV là, à cet endroit ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Vivacité à viser. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec Vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le monde sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Alors, voilà la maison. Bah, l'électricité, je crois qu'il y en a. Le toit, ils l'ont mis au-dessus. Le chauffage, on croise les doigts. Vous la prenez ? Votre voiture non plus, vous ne la vendriez pas comme ça. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour revendre votre voiture au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Oh, un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien ça. Et une nouvelle robe. Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Voyons quelles conversations s'imposent. On commente l'actu avec vous, avec Laurence Sudpresse, avec Martial L'Avenir et le troisième donc débat sur la table. L'entreprise Nestlé Anderlecht autorise depuis un mois tout le personnel à venir avec son chien au bureau. Le gain, c'est un gain en matière de bien-être, en matière de lien social, mais on a quand même dû aménager des espaces pour ceux qui ne voulaient pas travailler avec un animal. Est-ce que c'est sain de venir travailler avec son animal au bureau, Martial? Vous pourriez venir avec votre animal au bureau? Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me paraît un peu particulier quand même. Est-ce que c'est le lieu d'un chien, Laurence, au bureau? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que ce soit le lieu d'un chien. Effectivement, je peux comprendre que pour l'employé, c'est plus agréable que de se dire que son animal est seul chez soi. Pour le chien, c'est peut-être plus agréable d'être avec son maître, etc. Mais effectivement, je trouve que pour les autres collègues, par chance, Nestlé ne la pose pas, c'est déjà très bien, mais moi ça me dérange, oui. Moi ça me dérangerait. L'intérêt en matière du bien-être pour l'animal et pour le propriétaire, c'est pas un intérêt total? Alors, je ne sais pas pourquoi Nestlé a fait ça, si c'est plus dans l'intérêt de l'animal ou du travailleur. Si c'est pour l'animal, je peux comprendre, c'est vrai qu'un animal qui reste tout seul chez soi toute la journée, l'animal a, effectivement, on appelle ça un animal de compagnie, l'animal a aussi besoin de compagnie. Alors, s'il y avait une espèce de chenil ou de crèche, ouais. Comme on fait pour les enfants. Mais alors, vous êtes pas avec l'animal. L'animal est à la crèche chenil. Mais voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui s'en occupe, etc. Là, je pourrais comprendre. Mm-hmm. Mais amener son animal avec soi, travailler à côté, parce qu'il faut quand même s'en occuper un minimum. Ouais. Or, toutes les sociétés nous disent aujourd'hui, on a une baisse de productivité à cause de Facebook, etc. Donc, on essaye d'augmenter la productivité et on vient avec l'animal dont il faut s'occuper. Ça me paraît un peu curieux. Celui qui, dans l'entreprise, Laurence, va aller travailler dans l'espace interdit aux chiens, c'est un rabat-joie? C'est un pisse-vinaigre? Non, pas du tout. S'isoler. Non, je pense pas. Je pense que simplement, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les animaux, qui n'est pas à l'aise avec les chiens, qui est allergique, tout est possible. Moi, effectivement, je sais que ça me dérangerait un petit peu de rentrer dans le bureau d'un collègue et puis peut-être que le chien est surpris, aboie. Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Si le travailleur a toutes des réunions durant toute la journée, qu'est-ce qu'il fait de son chien? Je suppose qu'il ne le prend pas. Où est-ce qu'on place la limite? Pourquoi est-ce qu'on autorise les chiens et pas les chats, les lapins nains, les iguanes? Ouais. Voilà pourquoi. Le chat, ça vous embêterait, Martial, le chat? C'est-à-dire que le chat, en plus, généralement, ça va un peu partout. Donc un chien, ça peut rester... On peut le canaliser. Voilà, c'est ça. Mais bon, mais effectivement, pourquoi ne pas venir avec son piton, avec son... Enfin, je veux dire, ça, où est la limite, quoi? On demande un avis entre Maline et Vilvoorde. Bénédicte est en ligne. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Bonjour à tous. L'entreprise Nestlé Anderlecht autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail, Bénédicte? Non, moi je trouve ça limite dégoûtant. Il y a des propriétaires de chiens qui s'en occupent très bien, qui entretiennent leurs chiens, mais il y en a d'autres qui ne le font pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant? En quoi le chien peut venir à vous avec son aspect dégoûtant? Disons que le chien, ça a pas une odeur très très ragoûtante en général. Je dis suivant le fait que le maître va s'en occuper ou pas. Et puis un chien ça bave, un chien ça vous saute dessus. Je trouve non. En plus, je trouve vos journalistes ont déjà bien résumé mon point de vue. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez dans l'entreprise et que votre voisin de bureau vient avec un chien? Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait conflictuel? Non, j'ai assez de tolérance pour ça, mais je n'aime pas. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis plutôt chat que chien. Et si je vous dis que c'est pour le bien-être, et si je vous dis que c'est pour le lien social, comme ça tout le monde se parle? Moi, j'aime dire d'autres moyens. En plus, si on n'a pas la possibilité d'être avec son chien en grande partie, je trouve qu'on ne prend pas de chien alors. Si le chien doit rester toute la journée à la maison parce qu'on doit aller travailler, Vous ne voulez pas du chien en entreprise entre Maligny et Vilvoorde. Alors je demande à chacun autour de la table de se positionner de manière claire. Donc Laurence, vous voulez les chiens en entreprise ou interdiction totale ? Je pense que ça dépend de chaque patron. Et vous, si vous étiez la patronne ? Moi, ça ne me convient pas d'avoir... Même un petit chien. Un petit bichon ? Si on autorise les petits, pourquoi on n'autorise pas les Doberman alors ? Ok, Martial, vous êtes le patron. Interdiction totale ou on discute ? Je ne pense pas que je ferai venir les chiens dans mon entreprise, non. Mais même un bichon ? Même un bichon, mais comme disait madame, ils bavent et vous sautent dessus. Ça arrive parfois qu'il y ait des collègues qui bavent et qui vous sautent dessus aussi. Hein. Aussi, voilà pourquoi je ne travaille pas à l'avenir. Alors, ben oui, Sud Presse, il n'y a pas apparemment. Martial Dumont, Laurence Piret, bonne journée messieurs dames. Bonne journée à tous. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063, 50 centimes par message. Comme à Zaventem hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirent, se font exploser, 36 morts à la veille de l'été. Comment on peut stopper ça ? Le reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère ? Et puis l'entreprise Nestlé Anderlecht qui autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail ? Trois débats au 070-233-466 par SMS au 3063. Conversation maintenant à Montigny-le-Tilleul. Maria, bonjour. Benjamin. Et vous souhaitez commenter ce qui s'est passé hier à l'aéroport international d'Istanbul. Trois kamikazes qui ont tiré se sont fait exploser. Je voudrais votre commentaire sur le moment. C'est à la veille de l'été. Vous pensez que c'est un hasard ? Non. Je pense que c'est prévu et c'est prévu un peu partout. Et voilà, les sécurités, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on a promis. Ça n'a rien à voir. Maria, quand vous me dites quoi ? Que c'est le début d'une saison d'été qui s'annonce mortelle et dangereuse ? Oui. Nous partons en juillet, on a très peur, on part de Bruxelles. Quand on voit les contrôles à Charleroi, moi je suis rentrée à Charleroi alors que je n'étais pas passager. On ne vérifie rien. Il y a deux gendarmes et deux militaires à l'entrée. Mais on ne vérifie pas si vous avez une ceinture, on ne vérifie pas les bagages, on vérifie les bagages au scanner. D'où à Istanbul, c'est arrivé dans le scanner. Maria, vous partez où en juillet depuis Bruxelles ? Nous partons en Crète et franchement, on a très peur. Vous aviez peur avant ce qui s'est passé hier à Istanbul ? Ou c'est lié à Istanbul ? Non, ça nous suit. On se pose la question. On s'est posé la question en septembre. On s'est posé la question ici au mois de mai quand on est parti. Non, on se pose la question. Regarde, ça pourrait sauter. Voilà ce qu'on se dit. Maria, ce qui s'est passé hier à Istanbul est terriblement mortel. Trois kamikazes, ils tirent un peu au hasard, se font exploser. 36 morts. Est-ce qu'on doit maintenant éviter la Turquie ? Quel est votre message ou votre sensation ? Turquie est déjà évitée, Benjamin. Enfin, on fait des prix très très bas pour la Turquie. La Tunisie est fermée, l'Égypte est fermée, la Turquie, personne n'y va, en tout cas dans les agences. Tout le monde va Espagne, France, Grèce, Italie. Donc la Turquie, je suis même étonnée. Et par ricochet, ça veut dire que c'est pas bon et que ça sent mauvais pour la Tunisie et l'Égypte, ou quand on dit ça, on fait un melting pot qui n'a rien à voir ? Non, moi je dis que ça n'a rien à voir, on devrait laisser les portes ouvertes, après c'est chacun son choix. Hein. Ah ben la Tunisie, elle a dit venez, avec des campagnes de promotion et un message de l'ambassadeur belge, de l'ambassadeur tunisien en Belgique à la Belgique. Charles Melcher a retrouvé des passagers à Belge, et puis maintenant, boum, la Turquie, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. RTBF Mobile Info, Stéphane. Et on prend la direction de l'E40 qui vient de Liège. Vous êtes fortement ralenti en raison du sommet européen. C'est en fait le tunnel Reyers en direction du centre qui est fermé. Et donc ça a des répercussions sur cette E40 où vous ralentissez à partir de Berthem et essentiellement entre Evere et Reyers où la circulation s'effectue quasi à l'arrêt. C'est une vingtaine de minutes supplémentaires sur l'E411 qui vient de Namur. Plus 15 minutes entre Overijse et Léonard pour rejoindre Bruxelles sur le ring. Ça roule difficilement entre Ittre et le carrefour Léonard. 8 minutes supplémentaires. Les temps de parcours sont en diminution. À l'image de la circulation intérieure, 20 minutes supplémentaires entre Ittre et Grand Bigard en raison du chantier à Forêt, et on ajoute également 7 minutes entre Grand Bigard et Zaventem, et puis ce camion calciné qui est toujours sur le 403 Bruges tourné un peu avant Marquin, il obstrue la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, et il y a des files depuis Templeuve sur environ 3 km, vous ajoutez une dizaine de minutes en direction de Tournai. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, nous allons à Liège et Caroline nous dira si à l'époque, elle prenait son chien avec au travail, parce que maintenant, ça se fait. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses, j'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. Oh, les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, ça dépend parce que... Avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et si vous tombez en panne et que votre voiture ne peut être réparée, Touring vous en prête une jusqu'à 15 jours. Oh, remettez les cigales alors. Plus d'infos sur touring.be. Offre soumise à condition. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un lave-linge AEG d'une capacité de 8 kg, d'une valeur de 649 euros à 549 euros seulement. Dès ce vendredi et même ce dimanche 3 juillet, rendez-vous dans tous nos magasins ou sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, le reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans leurs poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que c'est la misère, ça, à ce propos? Et à ce propos, pour Paul de Mont-sur-Marchienne, non, ce n'est pas la misère, c'est plutôt un mode de vie. C'est une nécessité quand on n'a plus d'autre choix. Paul a fait comme Aurore pendant des années. Il allait se servir dans les poubelles des grandes surfaces aussi. Et il explique qu'en fait, eh bien, il mangeait très bien, même très très bien, puisqu'il trouvait beaucoup de produits de luxe dans les poubelles, donc des produits qu'il ne se serait jamais permis d'acheter, donc comme du foie gras, du saumon, des asperges, du thon, tout un tas de produits que lui ne pouvait pas se permettre avec son petit portefeuille. Et même maintenant que sa situation s'est améliorée et qu'il ne fouille plus dans les poubelles, eh bien Paul ne sait plus acheter ses produits, donc parfois il regrette un peu cette situation. Liège est en ligne. Caroline, bonjour. Bonjour. Et donc l'entreprise Nestlé Anderlecht autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Vous avez déjà été travailler avec votre animal ? C'est ça, oui. C'était quoi votre emploi ? Je travaillais dans un magasin pour animaux. Et qu'est-ce que... Je venais tous les jours avec mon chien, je venais travailler tous les jours. Quel type de chien ? C'est un border collie. Qu'est-ce qu'il faisait pendant la journée ? Parce que vous êtes censé bosser. Qu'est-ce qu'il faisait ? Elle restait dans le magasin, elle avait une balle, elle jouait avec les clients. C'était les clients qui lançaient la balle. Moi, ça ne m'a jamais empêché de travailler. Est-ce qu'il y a des clients que ça gênait ? Non, pas du tout. Justement, ils aimaient bien, c'est devenu la mascotte. Est-ce que ça permettait un contact social plus facile avec le client ? Oui, parce que quand je ne travaillais pas, on demandait après le chien. Donc... Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ? Parce que l'entreprise ici dit qu'il y a eu une fois un incident de moquette souillée. Est-ce que chez vous, ça a occasionné un peu de chambard parfois ? Non, pas du tout. Moi, je sortais mon chien pendant mes pauses, je la faisais aller faire ses crasses dehors, donc jamais eu de souci à ce niveau-là. Est-ce que d'autres collègues venaient avec leur chien aussi ? Vous étiez la seule ? Non, j'étais la seule. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si un de vos collègues était venu avec son animal ? Je pense qu'il aurait été accepté aussi. Alors maintenant, je vous sors de l'animalerie où vous étiez, on est dans un bureau. Dans un bureau. Est-ce que c'est sain de venir avec un chien dans un bureau ? Pourquoi pas ? Si le chien est calme et qu'il reste au pied du maître, je ne sais pas où est le problème. Vous avez entendu toutes les questions tout à l'heure. Et s'il y a une réunion, si on est dans une réunion importante et que les collègues et le patron, qu'est-ce qu'il fait le chien? Si le chien est bien éduqué, il peut rester dans le bureau tout seul en attendant son maître. Et s'il y a des collègues qui ne veulent pas être en contact avec l'animal? Vous avez entendu tout à l'heure Bénédicte dire c'est dégoûtant, ça a une odeur les chiens. Ils ne se sentent pas tous, je pense pas, il y a certains chiens qui... Le mien par exemple ne sent pas le chien. Donc, Le collègue qui râle sur le chien au bureau, c'est un pisse-vinaigre? Non, c'est normal, tout le monde ne peut pas aimer les chiens, donc je pense que... Donc je vous le redemande. Dans un bureau, Caroline, vous êtes la chef. Vous acceptez les chiens ou vous interdisez les chiens? Moi, j'accepte. Vous acceptez. Et vous êtes à Liège ce matin, on verra. Avec à chaque fois, ce jeu de rôle, si vous étiez patron de... Nous allons à Hatte maintenant. Laurence, bonjour. Bonjour. Et on découvre donc qu'Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles. Se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles, ce couple est au chômage, 1100 euros pour deux personnes. Vous voyez ça comme étant le comble de la misère ou c'est pas ça? Pour moi, c'est pas ça. C'est quoi? En fait, ces gens, ils se débrouillent pour obtenir de quoi manger. Et on a dit, oui, mais il y a des endroits où on donne à manger, etc., où il y a des colis. Moi, je peux vous dire que j'accompagnais une dame dans la misère, chercher un colis, mais dans ces colis, il y avait des boîtes de conserve qui étaient périmées depuis longtemps. On lui donnait des bananes qui étaient presque toutes pourries. Donc, à ce niveau-là... Mais il y a un choix. Vous pourriez me dire, sur Aurore à Arlon, vous pourriez me dire, écoutez, il faut empêcher absolument cette femme d'aller là, fouiller dans des poubelles. C'est pas une image, c'est pas un avenir, c'est pas un destin. Mais vous, vous félicitez la débrouillardise. Oui, tout à fait. Et de non-gaspillage. Mais ça, c'est une solution de long terme? On peut faire une vie de nourriture dans les poubelles? À long terme, je ne pense pas. Il faut trouver une solution entre deux, parce que ça ne durera pas toujours non plus. Vous savez, les magasins, maintenant, ils jettent beaucoup, mais il arrivera un moment, ils vont faire des stocks moins importants et ils jetteront moins, je pense. Hein. Et la santé? Et le risque sanitaire pour cette dame et son compagnon? On peut se nourrir sainement en allant à la poubelle? La poubelle des magasins, oui. La poubelle des magasins, ils jettent toujours le lendemain ou du pain, monsieur. Vous allez jeter du pain aujourd'hui parce que la date est périmée. Est-ce qu'il n'est pas encore bon demain? Laurence, je voudrais votre avis sur cette phrase. Donc la dame Aurore ne dit pas « je vais chercher à manger dans la poubelle ». Elle dit « je fais mes courses dans les poubelles ». Cette phrase, vous en pensez quoi ?« Je fais mes courses dans les poubelles ». Oui, ça c'est tout à fait différent. Hein. C'est sa phrase. Oui, moi je considère que là, il faut quand même avoir un minimum pour pouvoir acheter de la viande, un petit dessert, etc. pour vivre sainement. Sainement et comment dire un peu comme les autres parce que là ils sont un peu marginaux en vous, vous pourriez vous prendre manger de la nourriture venant d'une poubelle? Eh bien comme j'expliquais moi je ne vais pas prendre à manger dans les poubelles mais je vais sur le marché et je prends tout ce qui est invendu. Ah, ce qui peut être une alternative, d'où la question. Est-ce qu'on doit empêcher ces gens d'aller dans les poubelles, leur proposer des alternatives ou pas? Je vous dispense de la réponse. Vous étiez à Hatte ce matin. On va marquer une nouvelle pause et puis dans un instant, vous venez commenter le Com à Zaventem. Hier, attentat, 3 kamikazes à l'aéroport international d'Istanbul. Ils tirent au hasard et se font exploser. 36 morts. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles Grecques a pris spectaculaire. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. Bonjour, c'est Jean-François Gilet. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Et au 070-233-466 sur la table, une entreprise d'Anderlecht autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail? À ce propos, Marion. Eh bien, à ce propos, pour Alison de Genval, ce n'est pas sain du tout. D'ailleurs, elle est totalement contre d'amener son animal de compagnie au bureau. Jamais elle n'accepterait de travailler dans la même pièce qu'un animal, qu'un chien, qu'un chat ou n'importe quoi d'autre. Pour Alison, c'est catégorique, c'est non. Selon elle, l'animal n'est pas plus heureux au bureau qu'à la maison puisqu'il est quand même enfermé à l'intérieur sans bouger. Pour Alison, la place des chiens, c'est dehors à courir et pas à l'intérieur à dormir. Ouemel est en ligne. Adèle, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Hier, trois kamikazes ont donc attaqué l'aéroport d'Istanbul avec le bilan que l'on connaît, 36 morts, quasi 150 blessés. Est-ce que ça vous rappelle Zaventem ou on est dans autre chose? Non, non, bien sûr, ça nous rappelle Zaventem, mais d'abord, tous mes pensées, vous, moi personnellement, vont aux victimes, aux parents des victimes, aux enfants, aux jeunes enfants, aux bébés, aux innocents. Et voilà, c'est ce que je disais à vos bénéfices, c'est que si nous voulons que ça se passe, bah, je pense que cette guerre-là, nous la gagnerons pas. Nous voulons vivre librement, en démocratie, pouvoir nous déplacer, pouvoir voyager, pouvoir vivre comme tout un chacun. Je pense que si nous voulons gagner cette guerre, c'est d'abord arrêter de prendre position, d'aller envoyer des F-16. Donc on doit rappeler nos F-16, nos F-16 qui sont partis vers Syrie-Irak, on doit les rappeler. Oui, absolument. Nous, en tant que petits Belges, nous devons rappeler nos F-16 et nous n'avons pas essence à croire que nous pouvons régler tous les problèmes du monde. Oh, mais attendez, sur base d'un attentat en Turquie, vous rappelez nos F-16. Dans quelle mesure on est mouillé là-dedans? Ce qui s'est passé hier, ça impacte Istanbul ou ça impacte Bruxelles? Mais non, ça impacte tout le monde. En fait, c'est une coalition, Benjamin. Donc tous les gens qui font partie de cette coalition doivent prendre la mesure que ces gens-là vont pas se laisser faire et qu'ils vont venir encore nous faire sauter, qu'ils vont encore venir nous massacrer. Donc moi, je pense qu'on n'a pas essence à vouloir régler tous les problèmes du monde. S'ils veulent leur État islamique, qu'ils le fassent. Vous avez peur ? Mais nous. Non, bien sûr, parce que j'ai des enfants, et j'ai une femme, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Je ne voudrais pas que demain, qu'ils puissent être des victimes collatéraux d'une décision que vous et moi n'avons pas prise. Donnez-moi un avis, Adèle. Toucher l'aéroport hier, c'est un attentat d'opportunité parce qu'ils ont eu l'opportunité de venir à l'aéroport. Ou toucher un aéroport 3 jours avant l'été, c'est un signal? C'est les deux, Benjamin, c'est les deux. C'est absolument les deux. Et ils ne rateront rien. Demain, ce sera peut-être une crèche. Ou une école. Et alors, on fera quoi? Ils vous diront que nous aussi, nous allons bombarder leurs crèches et leurs écoles. En attendant de savoir si la Belgique rapatrie ses F-16 ou pas, on va encore en Turquie ou on ne met plus les pieds là-bas? Bah écoutez, Benjamin, bien sûr que les gens vont avoir peur. Moi, personnellement, je ne mettrai pas les pieds en Turquie. Mais Tunisie, vous mettez les pieds ou vous ne mettez pas les pieds? Non, bien sûr, même en Tunisie. Avec ce qui se passe, c'est humainement compréhensible que les gens ont peur. Égypte, voilà. Vous mettez les pieds ou pas? Non plus, bien sûr, c'est un fait certain. Les gens ont peur, c'est un fait, M. Benjamin. Les gens n'osent plus même plus aller à City 2. Pourquoi aller à Sharm el-Sheikh, hein? Et certains tour opérateurs revolent cette semaine, ça c'est le hasard de l'actualité, vers Sharm el-Sheikh, là où les vols avaient été suspendus. Pour la Tunisie, c'est toujours plus complexe. Adèle, vous n'allez plus en Turquie, plus en Tunisie, plus en Égypte. 070-233-466 à Liège maintenant. Chantal, bonjour. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur Aurore, cette dame d'Arlon qui, avec son compagnon, fait les courses dans les poubelles. Je voudrais d'abord votre commentaire sur cette phrase. Elle fait ses courses dans les poubelles. Oui. Ça vous choque? Non. C'est normal? Je vous explique, moi, ce qui m'est arrivé personnellement. J'allais faire mes courses au GB. Il y a eu, pendant la nuit, donc, une panne de frigo. Pas de congélateur. Donc, de frigo où on met tout ce qui est charcuterie, crème, etc., les viandes, les fromages. Et tout était vide. Et donc, ils ont tout mis dans les containers. Il y avait plus de 8 containers remplis à ras-bord de toutes ces choses-là, donc de marque et tout, qui n'étaient absolument pas périmés parce que ça s'est passé pendant la nuit. Et vous avez pris? Moi-même, je ne suis pas du genre, je ne fais pas les poubelles personnellement, mais moi-même, je me suis demandé, écoutez, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, on ne peut pas en prendre. Chantal, c'est quoi la différence? Parce qu'à Arlon, Aurore, elle aurait fait cette poubelle-là, et vous, vous ne la faites pas. Pourquoi? Ah non, justement, moi j'ai demandé pour le faire, parce que franchement, c'était tous des bons produits, de qualité, qui n'étaient absolument pas périmés. Et en fait, ils ont même mis des gardes pour empêcher que les gens aient se servir. Je vous ramène maintenant à Arlon. Vous ne les envoyez pas aux Croix-Rouge, etc. Donc, Chantal. Pour les gens, pour les colis alimentaires. Chantal. Ils m'ont dit non, on ne peut pas, parce que si les gens tombent malades à cause de ça, ce sera de notre faute, etc. Chantal. Quoi. Vous êtes, vous, là, vous êtes dans une opportunité. Il s'est passé quelque chose dans ce GB, c'est une opportunité. Maintenant, je vous ramène à Arlon. Il y a une dame qui, systématiquement, fait les courses dans les poubelles. C'est son mode d'alimentation, pratiquement. Est-ce que ça, vous validez, ou c'est quelque chose de honteux ? Ce sont des poubelles de grand marché. Or, les poubelles de grand marché, d'après ce que j'ai vu, ce ne sont pas des poubelles comme les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. Ce sont quand même des produits emballés. Je pense que si cette dame le fait, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement et que son moyen de subsistance ne sont pas suffisants. Elle doit y aller à l'odeur. Quand le poisson a une odeur bizarre, elle ne le mange pas. On peut faire ça ad vitam aeternam ? Ben, disons que bon, si déjà les grands magasins, ces produits-là, ils les donnaient à des gens nécessiteux, donc pour faire les colis alimentaires ou de les mettre dans les poubelles, la dame n'aurait pas l'opportunité de le faire. Et elle aurait peut-être plus de choix dans les colis alimentaires. Et moi, je pense que si oui, elle n'a pas les moyens de subsistance suffisants pour se nourrir avec son mari, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire. Ce n'est pas comme si tu vas fouiller la poubelle de ton voisin. On lui interdit pas, alors. On ne doit pas l'écarter de cette poubelle. Non, justement, okay. Non. C'est ce qu'ils ont fait, justement, je vous dis, au GB où j'ai été. Là, ils ont carrément mis des gardes pour que personne ne puisse aller récupérer les produits. Alors que je vous dis, les produits n'étaient pas périmés, ça s'est passé à 4 du matin, la panne de frigo. Ah, mais il y a cette bizarrerie, hein, vous connaissez la bizarrerie de la loi, que ce qui est dans la poubelle appartient encore au supermarché. C'est pour ça que les salariés des supermarchés ne peuvent pas non plus se servir allègrement. Chantal, Liège, on peut laisser cette dame continuer donc à aller dans les poubelles. Quelle conversation mènerons-nous après les infos ? À tout à l'heure. Ce dimanche 3 juillet est un bon jour pour se mettre au vert. Parce que Macro est ouvert. Il est ouvert à partir de 9h. Venez profiter des super soldes et d'une réduction de 30% sur un article au choix dans le mobilier de jardin. Jardin dans lequel vous pourrez boire un verre pendant que vos enfants chassent les vers et que votre cousin poète écrit des vers. Et que, oui, bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que si vous ne profitez pas de ces soldes et de cette réduction de 30%, vous serez vert. Alors dimanche, vous allez vers vers Macro, vous avez tout compris. Vous écoutez Viva, il est 10h. Le temps de l'info, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. 36 morts et 150 blessés. Le dernier bilan du triple attentat suicide d'hier soir en Turquie. On ne sait toujours pas s'il y a des Belges parmi les victimes. C'est l'aéroport d'Istanbul qui a été touché. Des attaques qui rappellent celles du 22 mars en Belgique. Trois kamikazes ont tiré sur les passagers et des policiers avant de se faire exploser. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais selon les autorités turques, les indices pointent vers le groupe terroriste État islamique. Et du côté des tours opérateurs belges, on ne change rien pour l'instant. Les agences attendent les consignes des affaires étrangères. Mais Istanbul n'est pas une destination prisée par les Belges. Ils préfèrent les plages du sud à plus de 500 km de là. Le sommet européen continue à Bruxelles, mais aujourd'hui les discussions se tiendront à 27 sans le Royaume-Uni. Le Brexit sera toujours sur la table avec cette question : comment se profile l'avenir après cette sortie des Britanniques de l'Union ? Le glyphosate, lui, n'est pas prêt de disparaître des rayons des supermarchés européens. Cette substance que l'on retrouve dans des désherbants comme le Roundup vient d'avoir le feu vert de la Commission européenne. Après de longues discussions, elle a finalement voté son autorisation sur le marché pour 18 mois supplémentaires. Ce produit est controversé, il y a des études qui pointent des dangers pour la santé, d'autres pas. Léopold Storm va-t-il sortir de prison ? Ce jeune homme avait été condamné à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur en 2007 dans les Marolles. Ses avocats introduisent aujourd'hui une demande de libération conditionnelle assortie d'une surveillance via un bracelet électronique. Le tribunal d'application des peines devrait rendre sa décision d'ici 15 jours. Deux Belges sur le gazon de Wimbledon aujourd'hui, David Goffin et Kristens Flipkens, les deux derniers en compétition. Ils vont tenter de se qualifier pour le troisième tour. David Goffin affronte le Français Édouard Roger Vasselin, moins bien classé que le Belge, mais excellent joueur sur gazon. Kristens Flipkens, elle aussi, aura un match compliqué. Elle sera face à l'Américaine Madison Keys, les 9e joueuses mondiales. La météo pour ce matin, eh bien, un temps sec avec de belles éclaircies. Cet après-midi, il y aura des nuages qui arriveront par le littoral avant de se propager à toutes les régions en soirée. Les températures, elles, seront comprises entre 18 et 20 degrés. Et on part tout de suite sur les routes pour faire le point sur vos conditions de circulation avec Stéphane Piedbeuf. Et une bonne nouvelle, ça diminue pour rejoindre Bruxelles au niveau des minutes supplémentaires. 10 minutes seulement sur le 40 qui vient de Liège. Vous êtes toujours ralenti entre Vers et Reyers en raison du sommet européen. La fermeture du tunnel Reyers vers le centre, donc vous êtes dévié. N'oubliez pas d'éviter le secteur, car en effet, même les bus sont déviés dans le quartier Schumann à Bruxelles en raison de ce sommet. 10 minutes également pour rejoindre Bruxelles depuis le 411 en venant de Namur entre Overijs et Léonard. Sur le ring, ça diminue aussi en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard, plus 12 minutes. 20 minutes supplémentaires pour la circulation intérieure du ring de la capitale entre Ittre et Grand Bigard. Et pour terminer, un radar nous a été signalé sur le 42 Prume-Bâtisse. Il se situe entre 2 et Bâtisse. Soyez prudents et vigilants. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h04, c'est reparti pour débattre dans C'est vous qui le dites, toujours avec Benjamin Maréchal. Et nous sommes mercredi, oui je le dis au distrait, merci Yasmina. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 10h45, c'est le rendez-vous avec la question qui dérange. Jacqueline Galland, Elio Di Rupo, Carlo Di Antonio et Eric Dom, patron de Peridesa, tous ils veulent que les Thalys et les Eurostars s'arrêtent à Mafle, pas à la gare d'Ath, qui est la grosse ville à côté, non, à Mafle, petit village. D'où la question qui dérange, quel est l'intérêt de stopper un TGV là, à cet endroit? Hier, donc, sortie très médiatique de plusieurs personnalités du Hainaut, tous demandent à la SNCB un point d'arrêt pour TGV à Mafle. C'est donc un petit village. Point d'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas construire une grande gare. Non, c'est un point d'arrêt avec un arrêt de quelques minutes seulement. Le projet prévoit la création de 2 quais d'embarquement, 2 voies d'évitement, une passerelle piétonne, un parking de 1000 places. Le Hainaut et Peridesa seraient donc à 1h10 de Paris et 1h50 de Londres. Oui, mais là, c'est un petit caprice de ennuyé. C'est ça la question, dans le fond. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Avez-vous une piste à ce stade? Oui, on va tenter d'aller voir du côté des personnes qui sont impliquées dans cette proposition et ce nouveau projet. On tentera d'aller voir du côté d'Éric Dompe de Peridesa ou encore du côté de Carlo Di Antonio, le ministre wallon de la mobilité. Un TGV qui s'arrête là, en plein milieu de la Pampa. Vous pouvez influencer la conversation en laissant un commentaire à Marion au standard. Et Denis de Modave estime que l'arrêt du TGV à Mafle est vraiment de trop, il est superflu. Pour Denis, on ne peut plus parler de TGV, mais d'omnibus, un train qui s'arrête un peu partout à toutes les gares. Alors avec tous les arrêts que les politiques ajoutent, et bien pour finir, le trajet Bruxelles-Paris ne fera plus 1h30, mais 3h30. Alors la comparaison avec l'omnibus, Benjamin, c'est la remarque qu'il aimerait entendre à 10h45. Donc, 4 personnalités du Hainaut, dont Jacqueline Galland, lieu dire Rupo, Carlo Di Antonio et Eric Dombe veulent que les Thalys Eurostar s'arrêtent à Mafle. Pas à Hatt, à Mafle. Quel est l'intérêt de stopper un TGV là, si ce n'est le caprice de quelques ennuyés? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Comme à Zaventem d'abord. Hier, 3 kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirent et se font exploser. 36 morts à la veille de l'été. Comment on peut stopper ça? Ensuite, le reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère? Et puis l'entreprise Nestlé à Anderlecht qui autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail? 070-233-466 par SMS au 3063, Marion. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur Aurore à Arlon qui se nourrit dans les poubelles des grandes surfaces. Est-ce que c'est la misère ou un mode de vie? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. C'est donc un reportage de Sud Presse qui démarre dans les poubelles à l'arrière d'un supermarché. Nous sommes à Arlon et on découvre Aurore, 27 ans. Elle et son compagnon sont au chômage. Ils ont 1100 euros à deux. Après le loyer, il ne leur reste que 200 euros. Alors Aurore, et c'est ça sa phrase, Aurore fait ses courses dans les poubelles. C'est là qu'elle va chercher de la marchandise. Elle a récupéré dans la dernière pioche du pain, du pudding. Parfois, il y a de la viande. Elle fonctionne tout simplement, dit-elle, à l'odeur. Si c'est acceptable, elle consomme. Sinon, elle s'abstient. Et elle dit économiser 400 euros. Vu tout ce qu'on jette, elle trouve parfois des pépites, comme ce jour où elle a trouvé 60 canettes de Coca-Cola. Le couple assume, même s'il a commencé ses courses de poubelle la nuit un peu gêné. Aujourd'hui, il assume et n'a plus honte. Il y voit également une forme de militantisme contre le gaspillage. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ces gens, ils se débrouillent pour obtenir de quoi manger. Et

Donc, voilà. Cette idée des poubelles, elle est venue directement à vous ou il a fallu un peu ruminer ça dans votre tête ? C'est-à-dire qu'on a un ami qui le faisait. Il nous a dit, mais va voir dans les poubelles des grandes surfaces, tu verras, il y a des choses qui sont mangeables. Donc nous avons été, et c'est vrai, on peut trouver certaines choses qui sont mangeables, mais disons qu'à cette saison-ci, il faut faire attention, parce que la chaîne du froid est coupée, donc il faut quand même se méfier. La première fois que vous y allez, c'est comme aurore de nuit, ou vous y allez pleine journée ? Non, le soir, vers 8h, 8h30 du soir, 20h30. Là, vous êtes le seul ou vous tombez sur d'autres personnes qui sont non, comme il y en a, vous il y en a d'autres. Nous ne sommes pas les seuls. Et comment on se partage la marchandise, puisque vous allez tous, j'imagine, dans les mêmes poubelles ? C'est le premier arrivé, hein, le mieux servi. Hein. Vous avez trouvé quoi là-dedans ? Oh, il y a du poulet, du lapin, de la charcuterie. Il y a un peu de tout, du fromage. Ça peut être un mode de vie, parce que c'est ça la question qui nous intéresse ce matin. Ça peut être un mode de vie, comme a l'air de le dire Aurore, ou c'est la misère, ça ? Ben, c'est pas la misère, mais c'est pas un mode de vie non plus. C'est quoi ? Je ne sais pas vous dire, mais enfin bon, il y a des associations chez qui on peut aller. Même si on ne reçoit pas grand-chose, elles sont là pour vous aider. Jean-Pierre, quand vous alliez faire ça à force de... Vous aviez des moments de honte, ou comme Aurore, c'était très assumé ? Non, on avait des moments de honte. On n'en parle à personne. Pourquoi vous avez arrêté ? Parce que je me suis dit qu'on pouvait aller dans les associations caritatives, comme la Saint-Vincent-de-Paul. Même si on ne reçoit que très peu, on reçoit et c'est pas périmé. Il faut empêcher cette femme d'y aller à la poubelle ? Il faut empêcher Non ? Ah non, il faut pas l'empêcher. Il faut l'encourager ? L'encourager peut-être pas, parce que dans cette saison-ci, c'est pas très conseillé. Hein. Je dis encore une fois, la chaîne du froid est coupée, donc s'ils y vont tard le soir... Au total, Jean-Pierre, vous avez fait les poubelles, vous, pendant combien de temps ? Oh, à peu près 5-6 mois. 5-6 mois, et aujourd'hui, vous vous êtes tourné vers les associations. Preuve donc qu'il y a peut-être alternative. Merci Jean-Pierre d'avoir été franc avec nous. Nous sommes à Halle maintenant. André, bonjour. Bonjour Benjamin. Une femme va faire ses courses dans les poubelles. Vous faites vos courses où, vous ? Dans les magasins. Ça vous inspire quoi, alors, une femme qui fait ses courses dans les poubelles ? C'est triste. C'est triste de voir ça maintenant. On peut voir ça comme de la débrouillardise, ou vous voyez ça comme étant la misère, la honte ? Il y a de la misère. C'est de la misère, ça. Pourquoi elle fait ça, à votre avis ? On nous dit, donnez-moi un avis, on nous dit qu'il y a des associations. Il y a des CPAS pour aider les gens comme ça, pour donner à manger et tout ça. Donc on n'est pas obligé, il y a des solutions avant les poubelles dans ce pays. Ah oui, il y a des CPAS qui donnent... Ça dépend où on se trouve, monsieur. Ça se trouve. Parce que moi, j'étais veuve à 32 ans. J'avais une petite fille, j'avais du mal d'en m'en sortir. J'allais au CPAS, j'étais refusée parce que j'avais une pension de survie et tout ça. Vous auriez pu manger ce qui venait d'une poubelle, André ? Non, je vais vous dire non. Qu'est-ce qui se passe si un jour vous voyez cette dame dans la poubelle ? Si un jour vous voyez Aurore dans la poubelle en train de récupérer de la marchandise, vous lui direz quoi ? Qu'elle peut attraper des maladies avec ça. Oh, mais si elle vous dit qu'il y a la faim, elle vous dit qu'il y a la faim. Je lui dirais qu'il y a des CPAS pour aider les gens comme ça. Il y a des CPAS. André, est-ce qu'on doit interdire à cette femme d'aller dans la poubelle ? Ben oui. Est-ce qu'on doit la punir d'avoir été dans la poubelle ? Écoutez, on ne sait pas s'ils n'ont pas mis du produit dans les mangers ou n'importe quoi, hein, monsieur. Ah, et certains supermarchés le font, hein, ont pris cette habitude d'asperger à coups de détergent pour que la marchandise à jeter soit vraiment de la marchandise à jeter. André, vous ne pourriez pas manger ce qui est dans la poubelle ? C'est la question qui se pose aussi ce matin, c'est la sous-question au 070-233-466. Avant de rejoindre Claudine, Mélanie, je viens vers vous pour l'éclairage et le complément d'information. Se servir dans les poubelles d'un magasin, c'est interdit ou pas ? Est-ce que c'est du vol ou c'est pas du vol ? Le fin mot. Eh bien, le fin mot, c'est qu'il y a eu des condamnations en la matière. Par exemple, une condamnation prononcée à l'égard de ce qu'on appelle les glaneurs, ces personnes qui se servent dans les poubelles des supermarchés. Alors, un juge de Terremonde a par exemple condamné un voleur de muffins périmés à 6 mois de prison avec sursis. Pour la Fédération des services et du commerce, Comeos, il s'agit avant tout de protéger les consommateurs d'un certain danger alimentaire. On ne sait pas pourquoi le commerçant a jeté de la nourriture. Il se peut qu'il y ait eu un excédent de stock, mais il se peut aussi que les aliments aient été congelés, puis décongelés. Ils seraient donc impropres à la consommation. Tous les supermarchés ne fonctionnent pas de la même manière face à leurs invendus. Certains les jettent dans les poubelles du magasin et les aspergent de détergent pour qu'ils soient impropres à la consommation. D'autres, comme Colruyt, centralisent leurs marchandises dans leur centrale et uniquement dans leur centrale. Et c'est dans ces centrales que les associations telles que les banques alimentaires peuvent venir récupérer la nourriture. Du côté du syndicat Neutre pour Indépendants, on conseille aussi aux commerçants de donner la nourriture qui est tout juste périmée ou simplement abîmée aux banques alimentaires, à des associations pour les pauvres et les sans-abri ou encore au CPAS. Voilà pour le complément et le fin mot donc, condamnation de certains qui l'ont fait. Scarbeck est en ligne. Claudine, bonjour. Oui, bonjour. Ça veut dire quoi cette phrase que vous avez eue au standard ? J'aurais pu le faire, moi, aller dans une poubelle. Oui, j'aurais pu. J'étais seule avec 2 enfants et j'aurais pu le faire, mais je ne l'aurais pas fait au plein jour. En plein jour, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que l'idée, à ce moment-là, quand vous êtes seul avec les 2 enfants, donc peut-être dans une situation financière difficile, l'idée vous a effleuré ou elle vous a jamais effleuré ? Non, ça ne m'a jamais effleuré. Est-ce qu'il y a quelque chose de sale là-dedans, de l'ordre du dégueulasse ? J'ai vu ces mots-là dans les SMS au 3063. Non. Il y a quelque chose de l'ordre du courage, de l'inconscience ? Non, parce que si on n'a pas le choix, non. Et puis bon, je suppose qu'on trie ce qu'il y a à trier, il y a des odeurs, il y a des choses qu'on ne prendra pas. Hein, donc, non. Pourquoi le changement de comportement, Claudine ? Je vous demande un avis sur ce qui se passe donc à Arlon. Aurore, au départ, y va avec son compagnon de nuit. Il y a quelque chose d'assez gêné, mal à l'aise. Et puis après, on y va en plein jour. Et elle assume complètement de faire ses courses dans les poubelles. Pourquoi elle a changé de comportement de la nuit au jour et c'est quelque chose de très assumé ? Mais parce que ça, elle a pris une habitude et puis elle s'en est plus cachée, c'est tout. Et je pense que là c'est le danger parce que elle ne va pas essayer de changer sa situation et ça c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Elle ne cherche plus autre chose et elle continue et elle se met en plein jour. Et ça je pense que c'est le danger. Mais donc, si elle se complaît ou si elle en a pris son parti, on peut se nourrir toute une vie de bouts de nourriture, de bouts de barquettes retrouvés dans des poubelles. On peut faire une alimentation et une vie comme ça. Non. Je pense que ça peut durer un moment. Et puis, bon, à un moment donné, il faut relever la tête et il faut foncer, il faut essayer de trouver une solution à sa situation. Sur le plan... Comment ? Sur le plan de la santé, elle risque quelque chose, vous pensez ? Elle fonctionne à l'odeur, donc quand risquer, ça sent, elle mange pas. Oui, elle peut. Non, mais elle peut risquer, bien sûr. En plus, elle a des enfants, elle peut risquer, bien sûr. Je vous demande un avis sur sa phrase. Si j'ai de la honte, dit-elle dans Sud Presse ? Non. La honte, pour moi, c'est de voir tout ce qu'on jette à la poubelle. Mais elle n'a pas tout à fait tort, hein, parce que c'est vrai qu'on jette énormément... Et c'est un peu la honte quand on voit qu'il y a, je sais pas, des millions de gens qui n'ont pas à manger. C'est vrai que, bon, ouais, je pense que ça, cette phrase-là, elle a raison. Ah, il y a 2 phrases. Il y a la honte pour moi, c'est de voir tout ce qu'on a jeté à la poubelle. Et la 2e phrase, c'est moi, je fais mes courses dans les poubelles. Elle ne dit pas je fais mes courses au supermarché. Elle dit « Je fais mes courses dans les poubelles ». Merci d'avoir décodé quelques phrases ce matin. Vous êtes à Scarbeck, Claudine. On va marquer une pause et dans un instant à Saint-Servais, Loris nous dira s'il a déjà plongé dans une poubelle. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Envie de vibrer, Envie de fou rire, envie d'info, envie de partager. Envie de rêver, envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël. Vous avez tout pour vous. Et au 070-233-466, un mot alors Marion sur les alternatives. Est-ce que le colis alimentaire, on l'a entendu ça et là ce matin dans la conversation, est vraiment l'alternative aux poubelles? Eh bien apparemment non, les colis alimentaires ne sont pas mieux que ce qu'on peut trouver dans les poubelles. C'est l'avis de Nicolas de Vielsam, lui il va chercher des colis alimentaires et il reçoit aussi des produits avec des dates de péremption qui sont dépassées parfois de plus d'une semaine, voire deux semaines pour le lait, me dit Nicolas. Et pourtant Nicolas et sa famille les mangent quand même, donc il ne voit pas trop la différence entre manger des produits périmés issus des colis alimentaires ou des produits périmés issus directement des poubelles. Mathieu de Serfontaine est du même avis. Lui, il va aussi régulièrement chercher des colis alimentaires et il explique qu'ils sont principalement composés de produits blancs. Les produits blancs ne sont pas très très bons pour la santé. Alors, au moins, dans les poubelles, eh bien, Mathieu explique que dans les poubelles, ce sont des produits de marque, des produits de luxe qui n'arrivent pas du tout dans les colis alimentaires. Puis, il y a aussi Nancy de René qui, elle, critique la taille des colis alimentaires. Ils sont souvent beaucoup trop petits pour nourrir ses trois enfants, son mari et elle. Et tandis que dans les poubelles, eh bien, les quantités ne sont jamais limitées. Là, ils peuvent se servir autant qu'ils veulent. Saint-Servais en ligne. Loris, bonjour. Bonjour, Benjamin. Loris, avez-vous un jour dans votre parcours dû aller chercher de la nourriture dans une poubelle? Oui, oui, tout à fait. Vous étiez dans quel moment de vie à ce moment-là? J'avais perdu mon emploi. Et alors, le reste, c'est... C'est l'engrenage qu'en fait, quand vous arrivez après votre emploi et que les papiers ne sont pas faits correctement et tout ce qui s'ensuit, et que le temps que vous ayez, une aide sociale, ça prend du temps aussi. Vous y allez directement vers les poubelles? Vous allez directement ou vous attendez, vous reculez ce moment le plus possible? Ben, j'ai reculé le plus possible parce qu'au fond de moi, j'étais honteux, quoi. Donc... Pour votre fierté personnelle, ça fait mal, quoi. Donc, vous allez vers quoi, alors? Vous allez vers les poubelles de supermarché à ce moment-là ou vers les poubelles de ville? Les poubelles de supermarché, quoi. Donc, c'est des gros conteneurs, quoi. Et on analyse un peu comment ça se passe. Et alors, après, on commence à fouiller, quoi. Je le caricature un peu, mais quand on lit Aurore ce matin, on a parfois l'impression qu'elle y trouve de petits festins, une diversité, des éléments, des aliments. Vous trouviez des petits festins? Ben Benjamin, ça dépend, comment je veux dire, des poubelles qu'il y a. Et alors, quand on fout les petits festins, mais moi je visais plus tout ce qui est légumes, quoi, parce que tout ce qui est lacté, tout ce qui est lacté comme ça. La première fois, Loris, que vous avez ramené de la marchandise à la maison et que vous l'avez mangé, ça a été facile d'avaler cette nourriture-là ou... C'était il y a combien de temps? Non, vraiment pas, Benjamin. À peu près 8 mois, quoi. Entre 6 à 8 mois. Et aujourd'hui, vous y allez encore ou plus? Non. Non, je vais dans des œuvres caritatives. Non, je n'y vais plus. Vous pouvez alors nous aider à comprendre ce qu'on doit penser d'Aurore Arlon. On doit dire à cette femme, madame, n'y allez plus, ou on doit simplement regarder cette femme faire et chercher dans les poubelles encore et encore? Vous savez répéter la question parce que j'ai un écho, en fait, je viens de rentrer. Arlon, Aurore, donc cette dame qui va dans les poubelles. On doit lui dire stop, madame, n'allez plus dans les poubelles, ou on la regarde faire et voilà, chacun son choix et son parcours. Chacun son choix, son parcours, parce qu'à l'heure actuelle, c'est malheureux, mais par moment, on n'a pas le choix, quoi. Et cette dame, au final, elle est honteuse ou elle n'est pas honteuse? Je pense qu'au fond d'elle, ça doit lui faire mal quand même, quoi. Elle dit non, c'est pour ça que je vous pose la question et qu'on n'arrive pas à faire le tri entre ce qui est une phrase pour sauver un peu la façade et une phrase qui est véritablement assumée. Elle dit ne pas avoir honte. La première fois, elle y va de nuit avec son compagnon et aujourd'hui, elle assume même une forme de militantisme contre le gaspillage des supermarchés. Merci d'avoir été franc avec nous, Loris, Saint-Servais, Scarbeck, Grégory, bonjour. Oui, bonjour. C'est la même franchise. Est-ce qu'à un moment de votre parcours, vous avez dû aller chercher de la nourriture dans une poubelle? Oui, tout à fait. Quand? Mais je me suis retrouvé pendant quelques années des SDF et j'ai dû faire les poubelles pour m'en sortir, oui. À ce moment-là, vous y allez seul en catimini ou c'est assumé avec des compagnons, une compagne peut-être? Non, j'étais seul et j'allais plutôt la nuit. Mais pour terminer, j'allais en plein jour pour pas perdre ce que je pouvais retrouver, quoi, tout simplement. Ce que vous récupérez, vous êtes condamné à le manger froid, alors vous ne rentrez pas cuisiner ça quelque part? Non, pas du tout. C'était froid à chaque fois, mais je prenais à chaque fois des plats préparés. Et non, tout ce qui est viande, poisson, je laissais ça sur place. Je prenais ça simplement des plats préparés, des salades sous vide, mais c'était tout ce que je prenais, quoi. Grégory, la question est très délicate, mais vous avez à chaque fois mangé des éléments qui étaient et des aliments qui étaient frais, ou vous avez mangé parfois des aliments qui étaient pourris, avariés? Pourris, non, plutôt frais, et c'était plutôt même des produits que je n'aurais pas su me permettre, que je peux même pas me permettre aujourd'hui d'acheter. Genre? Je ne suis plus SDF, mais je ne... Tout ce que j'ai pu trouver dans cette poubelle est quelque chose que je ne peux pas me permettre aujourd'hui parce que c'est dans les poubelles, c'est vraiment un luxe qu'on peut trouver. Je voudrais votre avis. Tout à l'heure, on a parlé à Claudine qui a dit, à mon avis, cette dame d'Arlon, elle s'est habituée, c'est pour ça qu'elle a plus honte, elle s'est habituée et c'est ça le pire parce que du coup, elle n'a plus aucune raison de changer de système. On peut s'habituer à aller chercher de la nourriture dans les poubelles? Non. C'est toujours un... En tout cas... À titre personnel, c'est toujours quelque chose d'extrêmement dur. Et ça a été dur pour moi jusqu'au bout. Mais je pense que cette dame d'Arlon, je pense qu'elle a beaucoup de courage. Et je pense qu'on peut de lui enlever ça, si c'est pour rien lui donner en retour. Je pense que autant lui laisser... Donc on ne doit pas lui interdire, on ne doit pas l'écarter de ce conteneur. Poussez-vous, madame. Non, non. Allô? Vous l'avez fait pendant combien de temps, au final? Je l'ai fait presque pendant 2 ans. Presque pendant 2 ans. Grégory, vous êtes à Scarbeck aujourd'hui. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime qu'il vaut mieux voler dans une poubelle que de travailler au noir? Eh bien, 30% pensent que c'est mieux de voler dans les poubelles que de travailler au noir pour subvenir à leurs besoins. Au moins, en mangeant des produits qui sont déjà là, ils n'impactent pas la société, ne profitent pas des travailleurs ni de la sécurité sociale. Tiffany Denivelle le dit, les travailleurs noirs sont des escrocs, tandis que les personnes qui volent dans les poubelles sont juste des personnes qui ont faim, qui essayent de se nourrir. Stéphane, RTBF Mobile Info. C'est sur le ring de la capitale que ça ralentit, Benjamin, à présent. Vous êtes ralenti à hauteur de Waterloo jusqu'à Oyllart en direction de Zaventem en circulation extérieure. Il faut ajouter 10 minutes et 16 minutes pour la circulation intérieure entre Bercel et Forêt en raison des travaux en direction de Grand Bigard. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Quatre personnalités du Hainaut, Jacqueline Galland, Elio Di Rupo, Carlo Di Antonio et Eric Dombe, demandent que les Thalys Eurostar s'arrêtent non pas à Hatte, dans la gare, mais à Mafle, un petit village à côté. Quel est l'intérêt de stopper des TGV là, si ce n'est le caprice des nuyés? Ce week-end, vous allez suivre les Belges sur écran géant? Olé, olé, olé, olé. Ou bien fêter l'anniversaire de Mémé? Mémé, mémé, mémé, mémé. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone! Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil. Oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Je suis catalane de Barcelone. J'adore qu'on l'accueille, en fait, la diversité de nationalités, la diversité culturelle. C'est très agréable à vivre. Tout le monde est tout le temps dans la rue, donc c'est très agréable. Et ça ressemble un peu hein, voilà, au sud, au Méditerranée. Je suis complètement amoureuse de Bruxelles, donc j'ai très envie d'y rester. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. On sait donc depuis quelque temps qu'il n'y a plus de TGV Thalys en Wallonie. Et bien voici une nouvelle demande d'hier, côte à côte dans une conférence de presse très médiatique. Jacqueline Galland, Elio Di Rupo, Carlo Di Antonio et Eric Dombe, patron de Peredesa, ont donc fait une demande à la SNCB. Nous voulons à Mafle, petit village à côté d'Hatte, donc pas à Hatte, à Mafle, petit village à côté, nous voulons un arrêt pour les Eurostar et pour les Thalys. Un arrêt, ça veut dire des arrêts très courts, de quelques minutes seulement, ce qui ne devrait retarder les trains que de 7 minutes au grand maximum. On prévoit deux quais d'embarquement, deux voies d'évitement, une passerelle piétonne, un parking de 1000 places. Le Hainaut et Peredesa seraient à 1h10 de Paris, 1h50 de Londres. C'est ça la question qui dérange. Quel est l'intérêt d'aller mettre un arrêt de train à grande vitesse à Mafle, si ce n'est le caprice de quelques ennuyés? Vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier, Mélanie Joris. Oui, et le bon interlocuteur ce matin, ce sera Jacqueline Galland, ancienne ministre fédérale de la mobilité et désormais députée wallonne. Alors, elle présentait hier ce projet aux côtés d'Éric Dombe de Peredesa, mais aussi aux côtés d'Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons, et de Carlo Di Antonio, ministre wallon de la mobilité. Alors, pourquoi avoir choisi Mafle? Eh bien, parce que Mafle se situe au croisement des lignes classiques Mons-Gramont et Tournai-Bruxelles. Avec quelques travaux d'aménagement, eh bien, ces lignes pourraient être reliées à la ligne grande vitesse qui passe à cette hauteur. Cela permettrait donc au TGV Thalys et Eurostar de passer par là. Alors cette proposition est désormais sur la table. La prochaine étape est la mise en place d'une étude de faisabilité. Un courrier a d'ailleurs été envoyé à la cellule investissement de la SNCB. On tablerait sur 2 ans de travaux et quelques 40 millions d'euros de budget. Une bagatelle selon Elio Di Rupo, puisque en regard des retombées économiques qu'un tel projet pourrait rapporter. On le rappelle, Mafle se situe également à 10 km du parc Peredesa. Avec une telle connexion ferroviaire, eh bien, le parc serait directement relié à Londres et Paris. Vous souhaitez influencer la conversation en nous soufflant une question dans l'oreille? C'est via Marion Standard. Et Nicole de Hatt fait ce commentaire. La présence du patron de Beridaïsa dans les négociations la dérange fortement. Selon elle, il ne devrait pas avoir son mot à dire parce qu'évidemment, les retombées économiques pour le parc seraient énormes avec la présence d'un arrêt TGV à Mafle. Mais le bien-être des habitants, selon Nicole, eh bien, il doit passer avant l'intérêt économique d'un parc animalier et de ses pandas. Alors, Mafle est une toute petite commune. Y intégrer une gare TGV, eh bien, ça reflète là la folie des grandeurs et l'égoïsme pur des hommes politiques. C'est le commentaire de Nicole de Hatt. Benjamin. Quel est l'intérêt de stopper un TGV Thalys Eurostar à Mafle, pas à Hatt, la gare, non, à Mafle, où on fera juste un arrêt. Quel est l'intérêt si ce n'est le caprice de quelques ennuyés? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles de supermarché. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou ça, c'est la misère? 070-233-466 par SMS au 3063. Et la sous-question, est-ce que vous pourriez... XL est en ligne. Françoise, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous pourriez Non, je ne pourrais pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis assez choquée. Parce qu'en fait, moi, je vis avec une pension de 320 euros. Et je ne demande rien à personne. Je crois que cette dame, si elle le fait... C'est parce qu'elle veut bien le faire. 1100 euros à deux avec son compagnon. Ils sont au chômage. Après le loyer, il ne reste que 200 euros. Eh bien, moi j'en ai 300. Et je ne vais pas faire des poubelles. Mais on ne fait pas ça par plaisir. Pourquoi elle le fait? C'est pas un hobby. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle aime bien le faire. Voilà, je suis très dure. Mais moi, je trouve qu'on sait manger à petit prix des pâtes. Agrémenté d'un petit morceau de jambon, d'un morceau de lard, peu importe, il y a moyen de vivre, c'est ce que je fais. Moi, je ne mange pas de viande, je ne fais aucun excès. Attendez, évidemment. Je vous repose la question, Françoise. Comment on peut aimer faire les poubelles? Ah, mais ça, c'est compliqué. C'est quelque chose, elle l'a fait une fois, elle s'est dit, mais pourquoi pas continuer? C'est facile. Et en plus de ça, voyant la photo... Moi, je trouve qu'elle n'a pas l'air de mourir de faim. Hein. C'est du vol? C'est du vol de faire ça? Vous le voyez comme ça? Non, je ne pense pas que ce soit du vol. Non, je pense que c'est une habitude qu'elle a prise avec son compagnon. C'est un peu facile, je trouve. Elle prend des risques pour sa santé, ça vous l'avez dit dans d'autres témoignages, ça c'est certain, mais c'est devenu une habitude. Moi, au pire... Si je ne sais plus manger, je trouverai dans mon armoire un paquet de pâtes. Elle fait 400 euros. Elle dit dans la presse ce matin faire 400 euros d'économie grâce à ça. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça, c'est normal, hein. Donc c'est pour ça qu'elle le fait. Françoise, vous avez déjà eu faim? Non. Non, parce que je me débrouille toujours. Pour me faire un plat de pâtes, pour me faire un plat de spaghettis ou... Ah, c'est toute la question de l'alternative. Hein. Les colis alimentaires ont été recalés fameusement tout à l'heure. Elle aime bien le faire, m'avez-vous dit. Il est 10h41 et on appelle les grands témoins dans ce dossier. Cette dame s'appelle donc Aurore, vit à Arlon, fait ses courses dans les poubelles en compagnie de son compagnon. Eh bien, c'est le papa de cette dame qui est en ligne avec nous. Monsieur Bertrand, bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. D'entrée de jeu, cette question, inspirée par Françoise, votre fille fait ça par quoi? Par goût de l'économie? Par volonté de faire des économies? Elle n'a vraiment pas d'autre alternative? Elle n'a vraiment pas d'autre alternative économique, effectivement. Mais il faut savoir aussi... Pourquoi elle ne va pas chercher des colis alimentaires? Elle y va, elle y est allée. Mais effectivement, comme l'ont dit plusieurs de vos intervenants précédemment, eh bien, quelque part, la nourriture est plus propre dans les poubelles qu'elle ne l'est souvent dans les colis alimentaires. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne va plus chercher les colis alimentaires? Non. Elle n'y va plus. Est-ce que votre fille, à travers ce reportage dans la presse, lance un signal de détresse ou elle est heureuse comme ça? Elle ne lance pas un signal de détresse. Ma fille est une personne qui est très très investie socialement. Donc elle n'a pas d'emploi, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Elle est bénévole à l'abri de nuit, ici à Arlon. Elle est bénévole à la ludothèque, ici à Arlon. Elle est militante au sein d'un groupe de jeunes syndicalistes. Mais alors pourquoi avec un tel réseau social, pourquoi avec un tel tissu, elle ne reçoit pas d'aide par ailleurs? Pourquoi elle doit malgré tout encore aller vers les poubelles? Parce que le but du réseau social n'est pas d'apporter de l'aide. Ça, c'est ce que devrait faire le CPAS. Mais si Aurore recourt au CPAS, son compagnon perd la moitié de son chômage. Donc, en fait, c'est un choix à la fois utilitaire, mais c'est aussi un choix militant. Et c'est ce qu'Aurore aurait voulu dire, a dit d'ailleurs au journaliste, M. Goffinet, qui a fait un excellent travail, hein. Il a très bien relaté les... Monsieur Bertrand, est-ce que votre fille en matière de qualité alimentaire est bien alimentée ou elle court un risque? Je pense que... qu'elle s'alimente très raisonnablement. Et si, comme disait la dame précédente, elle a un physique, eh bien, oui, elle ressemble un petit peu à Maggie de Bloc et ça devrait la rendre... Vous remarquerez que je ne vous attire pas sur ce terrain-là. Moi, je vous parle bien d'équilibre alimentaire. Est-ce que vous avez déjà, M. Bertrand, mangé cette marchandise récupérée dans les poubelles? Ah oui, bien sûr. Parce que l'article dit ils sont deux, ils sont quatre, mais en fait il y a tout un réseau de solidarité. J'ai dans ma cave le congélateur où sont rangés les aliments et ils sont repartagés. Est-ce que c'est une solution de long terme? Est-ce que c'est une solution de long terme? Ah, ça c'est le long terme. Non, bien sûr que non. Mais, comment vais-je dire, moi? Aurore, je vous dirais que c'est une solution temporaire qui est malheureusement appelée à durer. Temporaire qui dure. Monsieur Bertrand va se connecter deux secondes au 070-233-466. Temporaire qui est appelée à durer. Restez en ligne deux secondes, Monsieur Bertrand. L'interpellation vient du Standard, apparemment. Quelqu'un souhaite vous poser une question, c'est via l'entremise de Marion, bien sûr. Marion. Voilà, cette question de Tony de Longueville. Il ne comprend pas pourquoi Aurore perd son temps à faire du bénévolat et pourquoi elle ne cherche pas du travail, un vrai travail qui pourrait être payé à la place de faire du bénévolat. C'est la question de Tony de Longueville. Ah, la question qui vient donc d'arriver au Standard. Pourquoi votre fille ne cherche pas un emploi? Hein? Mais elle cherche un emploi. Mais on ne peut pas... on ne peut pas trouver quelque chose qui n'existe pas. Et donc, encore une fois, je me fais le porte-parole d'Aurore, et elle vous parlerait de la différence entre emploi et travail. Aurore travaille, elle est réellement utile à la société. C'est une réponse importante à ceux qui disaient elle se complaît là-dedans. Merci Monsieur Bertrand d'avoir pris la parole. Vous êtes donc le papa d'Aurore Arlon, le portrait qui met mal à l'aise ce matin. On retourne chez vous Marion, 070-233-466, avec ses employés qui connaissent bien les arrière-cours de supermarché et qui volent parfois. Oui, c'est ça, certains employés se confessent. Eux aussi, parfois, ils volent de la nourriture dans les containers des grandes surfaces. Arnaud de Bouvy est employé dans une grande surface et c'est lui qui s'occupe de jeter les invendus. Comme ça lui fait mal au cœur, eh bien, avant de les jeter, il fait un petit tri, il se fait un petit carton qu'il pose au-dessus du container avant de le refermer. Et ce carton, eh bien, il le récupère le soir avant de rentrer chez lui. Il sait que c'est interdit, il sait qu'il risque sa place en faisant cela, mais il ne supporte pas le gaspillage et puis ça lui permet de faire des économies chaque mois. Dans un instant, question qui dérange. Pourquoi Jacqueline Galland veut en arrêter GV à Mafle? Par caprice? Ce vendredi 1er juillet pour les soldes, Cora Recours est ouvert dès 7h du matin. Ce vendredi encore, Nocturne dans l'hyper et la galerie jusqu'à 22h. Et ce vendredi toujours, profitez de coupons de réduction exceptionnels distribués dans l'hyper de 7h à 8h30 et de 19h à 21h30. Et dimanche, ouverture des boutiques de la galerie de 11 à 19h. Vive. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Et je viens d'apprendre, moi, il n'y a pas que sur les vêtements qu'on fait des soldes. Sais-tu bien que l'autre, la carrelage grillé, il fait des soldes aussi, lui. Mais comment est-ce qu'il fait, donc, ce gars-là? Déjà toute l'année, c'est bon marché, voilà qu'il refait des soldes dessus. Écoute-moi bien, je vais refaire toute ma salle de bain, ça va me coûter moins cher qu'un paletot, tu. Carrelage grillé, bien joué, hein, gros! Carrelage grillé, il ne laissera pas indifférent. Carrelage grillé est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Carrelage grillé, il ne laissera pas indifférent. Rue Hollène 59 à Verviers et sur carrelage-grilly.be. Carrelage Grilly est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Solde à Maas Mechelen Village. À partir du 1er juillet, il y a jusqu'à moins 50% sur les prix outlet. Venez vendredi, samedi et dimanche faire un shopping tardif jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe. L'été commence ici. Tous les détails sur maasmechelenvillage.com. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Jacqueline Galland, Elio Di Rupo, Carlo Di Antonio, Eric Dombes veulent donc un Thalys qui s'arrête non pas à Hatt, à la gare, mais bien à Mafle, un petit village à côté de Hatt. Quel est l'intérêt de stopper un TGV là? On appelle Jacqueline Galland dans une seconde. Dernier commentaire au standard, Marion. Et Jean-Yves de Mons est scandalisé par cette nouvelle. Il ne comprend pas pourquoi le TGV ne s'arrêterait pas à Mons alors que la gare est gigantesque et qu'elle a coûté déjà plus de 250 millions d'euros. Jean-Yves pose cette question à Jacqueline Galland. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser encore 40 millions d'euros pour faire passer le TGV dans une commune perdue du Hainaut alors qu'il y a Mons juste à côté? La députée wallonne et maire Jacqueline Galland, Lynn, bonjour. Oui, bonjour. On ne comprend pas l'intérêt du combat, sachant qu'aux dernières nouvelles, le combat était de remettre un Thalys qui utilise la dorsale wallonne et qui s'arrête dans les gares de la dorsale wallonne, le fameux Thalys supprimé. C'était pas ça le combat prioritaire? Moi, je comprends pas la réaction, votre réaction et la présentation qui est faite par rapport à ce projet, parce que pour une fois, toutes les forces vives, politiques et le monde économique se mettent derrière un projet qui ne peut être que positif pour l'ensemble du Hainaut, parce que quand on me dit que le TGV ne passe pas Mafle, ben, aujourd'hui, vous pouvez aller vous promener le long de la ligne à grande vitesse et vous voyez plus de entre 44 et 46 trains à grande vitesse sur une ligne à grande vitesse qui passe par jour. Et donc, tous les ennuyés ont eu les désavantages des travaux. Il y a eu des expropriations, mais aucun train ne s'arrête. Non, la question, c'est celle de la priorité. Est-ce que la priorité est à l'investissement à Mafle sur des petits quais d'embarquement? On ne parle pas de la même chose. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? On ne parle pas de la même chose. La dorsale wallonne, c'est une ligne normale, intérieure, sur laquelle des rames de trains à grande vitesse sont amenées. Et donc, on parle d'opérationnel. Il n'y a pas de travaux d'infrastructure. Le dossier de la dorsale wallonne n'est pas étudié au sein de la cellule d'investissement. Ici, on parle d'un point d'arrêt pour permettre un développement autour d'un point d'arrêt comme ça existe en Allemagne, en France. Et on se rend compte que là où il y a des points d'arrêt, mais il y a vraiment une activité qui se développe. On a le parc Peridaïsa où il y a réellement des problèmes, notamment de mobilité pour accéder au parc. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un cas d'intermodalité. Vous pouvez répondre à Jean-Yves de Mons qui vous demande pourquoi ce Thalys et cet Eurostar, vous ne voulez pas l'attirer à la gare de Mons qui va devenir un objet architectural majeur demain? Parce qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse prévue par la gare de Mons. C'est ça la grande différence. La dorsale wallonne, c'est une ligne normale sur laquelle des trains à grande vitesse roulent, mais ils ne roulent pas à 300 km/h. Sur une ligne à grande vitesse, vous avez des trains à grande vitesse qui roulent sur des lignes à grande vitesse, c'est-à-dire à plus de 300 km/h. D'où viendra c'est l'argent? C'est la grande différence. D'où viendra l'argent qui va être investi à Mafle? Eh bien donc là, c'est pour ça qu'il y a différents projets qui sont introduits au sein de la cellule d'investissement qui a été créée au sein du groupe SNCB. Donc il y aura une étude et les différents projets qui sont proposés par les différentes autorités également, parce que la région a aussi des projets qui sont présentés. Mais il y aura une étude et il y aura une sélection parmi tous les projets qui seront présentés. Vous avez déjà fait une étude d'impact ou de clientèle possible? On parle de quelle clientèle avec ce point d'embarquement dans le Hainaut? savez, aujourd'hui, si on prend que le parc Péridaïsa, mais il y a le centre logistique de Colreuil qui n'est pas loin, aujourd'hui, le parc Péridaïsa, c'est 1,8 million de visiteurs. Et il vise les 3 millions de visiteurs. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes de mobilité et d'accès au parc Péridaïsa. Si on peut favoriser l'accès via les voies ferroviaires avec et l'intermodalité avec l'accès routier également. Et donc, c'est vraiment le cas typique d'intermodalité, de bonne collaboration entre le fédéral et les régions pour essayer de répondre aux problèmes de mobilité et de pouvoir utiliser une technologie moderne qui existe, qui traverse le Hainaut. Donc, on ne demande pas des trains supplémentaires vu que les trains, ils passent tous les jours à cet endroit. Et donc, ce sont des travaux d'infrastructure qui permettront simplement au train de s'arrêter. 50 secondes devant nous, Jacqueline Galland. Vous comprenez ceux qui ne comprennent pas le sens des priorités. Un RER qui n'est pas terminé, une dorsale wallonne qui ne retrouve pas son Thalys et vous venez avec un nouveau projet. Vous comprenez ceux qui s'en étonnent ou vous ne les comprenez pas? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, le nord du pays bénéficie d'arrêts du TGV. Liège bénéficie d'arrêts du TGV. Le Hainaut, je le répète, a eu tous les désavantages des travaux du TGV. Donc c'est une compensation. On a la chance aujourd'hui de pouvoir porter ce projet tous ensemble. Vous serez à 1h10 de Paris et à 1h50 plus ou moins de Londres. Vous vous rendez compte de tout le développement qu'on peut faire grâce à ces arrêts futurs, j'espère. Et on parle bien d'un point d'arrêt, hein, c'est-à-dire à un endroit où les trains ne s'arrêtent que quelques minutes. Vous annoncez 7 minutes de retard, enfin ou en tout cas de décalage sur la ligne uniquement. Merci de nous avoir rejoint, Jacqueline Galland. Vous êtes députée Wallonne et Maire et vous portez notamment le projet. On va vers les enseignements dans un instant, juste après la page de pause. Au Temps d'Or, votre bijoutier vous accueille avec le sourire pour offrir un bijou en or 18 carats, une montre de qualité telle que Gucci, Michel Herbelin, une écoute et un service. Au Temps d'Or, au centre de Malmedy. Retrouvez-nous sur Facebook ou sur localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler. Sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Tous les ans, Jeanne part en Inde. Namasté. Pour une retraite méditative. Et Jeanne oublie de jouer au loto. Oh non, mes chakras. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Tarzan en 3D. Une toute nouvelle aventure du roi de la jungle avec Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson et Christophe Waltz. Pour y assister le 5 juillet à Bruxelles ou Liège, 0905 56 472 57 par appel. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Demain, le TGV Thalys Eurostar à Mafle. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Sur la page Facebook, où vous êtes 38 466 à faire le débat ce matin, dont Anne. Au final, on demande à la SNCB, nous dit-elle donc en fait aux contribuables pigeons, de financer un projet qui enrichirait une entreprise privée avec le justificatif qu'en théorie, cela fournirait plus d'argent au fisc. Et à côté de cela, on néglige des projets tels que le RER, qui serait un vrai plus pour la collectivité, nous dit Anne ce matin sur Facebook. Vous avez choisi une conversation tout à l'heure sur Arlon, Aurore et son compagnon qui font leurs courses dans les poubelles des supermarchés pour se nourrir. Parmi les enseignements de ce matin, eh bien, on retiendra ceux qui ont fait exactement la même démarche. Louis à Saint-Servais allait chercher des légumes essentiellement dans les poubelles. Grégory de Scarbeck préférait les plats tout faits. Ou encore Jean-Pierre à Arlon qui trouvait sa viande, notamment du lapin. Ensuite, l'impression qu'à force d'habitude, Aurore ne cherche plus de solution, qu'elle est donc condamnée à ne jamais évoluer par choix. Et puis, l'avis des grands témoins, le papa d'Aurore en ligne il y a quelques instants avec le dilemme de sa fille. Aller vers le CPS pour une aide plus complète, priverait son compagnon de la moitié de son chômage. Le dilemme. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Fabrice de Tournai. Il est dans le même cas que Aurore et ce compagnon. Fabrice et sa femme ont 1100 euros pour vivre. Alors, eux, par contre, ils refusent catégoriquement d'aller fouiller dans les poubelles. Lui et sa femme préfèrent travailler au noir pour arrondir les fins de mois. Ils pensent que c'est plus honorable de travailler illégalement que de manger les déchets des grandes surfaces que personne ne veut. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur une Arlonnaise qui mange dans les poubelles, parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Jean-Pierre à Arlon à 10h12. Jean-Pierre a aussi fouillé des poubelles pendant plusieurs mois avec sa femme. Puis ils ont fini par avoir honte et ont décidé d'arrêter. C'est-à-dire qu'on a un ami qui le faisait. Il nous a dit, mais va voir dans les poubelles des grandes surfaces, tu verras, il y a des choses qui sont mangeables. C'est pas la misère, mais c'est pas un mode de vie non plus. On avait des moments de honte. On n'en parle à personne. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que je me suis dit qu'on pouvait aller dans les associations caritatives, comme dans Saint-Vincent-de-Paul. Même si on ne reçoit que très peu, on reçoit et c'est pas périmé. C'est triste de voir ça maintenant. C'est de la misère, ça. Il y a des CPAS pour aider les gens comme ça, pour donner à manger et tout ça. Et si un jour vous voyez Aurore dans la poubelle en train de récupérer de la marchandise, vous lui direz quoi? Elle peut attraper des maladies avec ça. On ne sait pas s'ils n'ont pas mis du produit dans les mangers ou n'importe quoi, hein, monsieur. Je pense que ça peut durer un moment. Et puis, bon, à un moment donné, il faut relever la tête et il faut foncer, il faut essayer de trouver une solution à sa situation. Si j'ai de la honte, dit-elle dans Sud Presse, non. La honte, pour moi, c'est de voir tout ce qu'on jette à la poubelle. Elle n'a pas tout à fait tort, hein, parce que c'est vrai qu'on jette énormément et c'est un peu la honte quand on voit qu'il y a, je sais pas, des millions de gens qui n'ont pas à manger. Ben, chacun son choix, son parcours, parce qu'à l'heure actuelle, c'est malheureux, mais par moment, on n'a pas le choix, quoi. Et cette dame, au final, elle est honteuse ou elle n'est pas honteuse? Je pense qu'au fond d'elle, ça doit lui faire mal quand même, quoi. À titre personnel, c'est toujours quelque chose d'extrêmement dur. Et ça a été dur pour moi jusqu'au bout. Cette dame d'Arlon, je pense qu'elle a beaucoup de courage de lui enlever ça. Si c'est pour rien lui donner en retour, je pense qu'autant lui laisser... Cette conversation-là et les autres, les chiens en entreprise, ou cet attentat mortel, 36 morts dans l'aéroport international d'Istanbul, tout ça est à commenter bien sûr sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Autant donner votre avis puisqu'il compte et que nous lisons tous les messages. Voilà pour nos 2 heures de dialogue, à demain.